15h31 exactement sur les ondes de CKRL 89.1. Nous sommes le 9 novembre 2011. Vous êtes à l'écoute de La Fausse Patte. Christian Saint-Pierre au micro en compagnie toujours de sa comparse des tout débuts. Catherine Grand, ça se passe aujourd'hui pour toi? Ça va pas pire et toi? Oui, ça va bien. Écoute, on était très occupé ces derniers temps. Tu vas nous en jaser dans quelques secondes. On a un plan de match assez, encore une fois, assez étoffé cette semaine. On en est très content. Dans un premier temps, on va parler demain du lancement, ça a été le lancement du parti souverainiste Option nationale de Jean-Martin Hossan qui a défrayé la manchette en juin car il est un des démissionnaires du PQ. Son lancement a été fait officiellement, donc la plateforme a été annoncée. Tu t'y trouvais d'ailleurs, Catherine. On va en jaser en première partie d'émission. Ensuite, hier, à l'Assemblée nationale avait lieu le dévoilement, en fait, officiel, la remise officielle des prix du Québec. Les prix du Québec, c'est la plus haute distinction que l'Assemblée nationale décerne pour l'œuvre d'une vie à plusieurs personnalités qui ont fait le Québec. On va recevoir celui qui a reçu le prix Marie-Victorin en sciences de nature, en fait, l'écologiste Serge Payette. Il va venir nous parler de réchauffement climatique et aussi on va discuter en directement de la Suisse avec Hugo Latulippe, cinéaste pamphlétaire qui viendra nous parler de République, abécédaire d'un peuple. Un abécédaire populaire. Au quartier en ce moment à 19h à tous les soirs. Vraiment un film à voir. Voilà, abécédaire populaire, pardon, excusez-moi. Et aussi, Breaking News, on va avoir aussi encore une fois des nouvelles d'Occupons Québec. Un des représentants qui va venir nous voir pour nous expliquer une nouvelle initiative qu'ils ont prise. Tout ça en fin d'émission. Voilà, encore beaucoup de choses à discuter cette semaine. Oui, c'est une grosse soupe qui bouille et on essaie de vous en faire humer le plus possible le fumet. Donc hier, Catherine, tu étais à Montréal, hier, auprès de Jean-Martin Hossan et d'Option nationale pour le lancement de ce parti. Comment tout ça s'est passé? Jean-Martin Hossan a dévoilé sa plateforme, la plateforme de son nouveau parti. Donc il l'a fait devant médias, la salle était relativement pleine, il y avait une ambiance assez généreuse, disons, dans la salle. On a pu voir, les médias ont eu accès au préambule de la plateforme et à toute la plateforme qui contient plusieurs propositions assez novatrices. Dans le préambule, il y avait des petits bouts que j'ai trouvés savoureux, que j'ai décidé de vous partager. À un moment donné, dans le préambule, Option nationale dit « Il faut assumer pleinement le fait qu'aucune autre nation ne peut juger mieux que les Québécois de ce qui est bon pour le Québec. » Et là, c'est particulièrement savoureux. « Il est futile de tenter d'améliorer les aptitudes d'un autre peuple à bien gérer notre destin. » Et là, on parle du peuple canadien, en fait. Ben évidemment. En fait, on lit entre les lignes, là, c'est assez clair. Alors, il dit aussi « Continue, un Québec souverain pourra mieux régler les problèmes auxquels il est confronté, quel qu'il soit. » Parce qu'on entend beaucoup, surtout de la bouche de François Legault et de ses sbires, que donc faut mettre de côté la souveraineté parce que pour s'attaquer aux vraies affaires, comme si c'était incompatible, en fait. Puis ce que soutient Jean-Martin Hossan et ce que soutiennent les gens qui sont d'Option nationale, c'est que, en fait, la souveraineté, c'est peut-être pas nécessairement ce qui, en ce moment, soulève le plus les passions dans la population en général, mais c'est une chose qui est nécessaire pour régler tous ces autres problèmes qui, entre parenthèses, soulèveraient peut-être davantage les passions chez les Québécois. C'est sûr, parce que c'est peut-être mal amené, je te dirais, parce que depuis les débuts du mouvement, quand on essaie de rassembler les conditions gagnantes avant de faire la souveraineté, Jean-Martin Hossan, de ce que je comprends, propose le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on fait la souveraineté qui va faire naître les conditions gagnantes, c'est bien ça? Oui, puis même avant de faire la souveraineté, l'idée, parce qu'on parle beaucoup de mandat électoral. Qu'est-ce que ça veut dire quand un parti est élu? Quand un parti arrive au pouvoir, c'est comme si la population avait regardé, on tient pour acquis que la population a regardé la plateforme et a dit « ça, avec ça, je te donne mon accord, tu as mon accord pour aller plus loin ». Donc, dans la plateforme d'Option nationale, ce qu'Option nationale propose, c'est de, une fois élu, pas déclarer la souveraineté unilatéralement, parce qu'on peut être élu avec juste 40% du vote, puis c'est pas une majorité, puis pour être reconnu internationalement, bien évidemment, il faut avoir une majorité substantielle. Tout à fait. Fait que, il dit, mais par contre, il faut utiliser la force de ce mandat électoral-là qui nous est donné si on est élu. Il dit, Jean-Martin, au point de presse, disait, je vais faire des actions de souveraineté dès que je suis élu. Ça veut dire rapatrier toutes les taxes. Lui, ça fait longtemps au Parti québécois qu'il parle d'un rapport d'impôt unique, qui est un projet, en fait, de ne pas faire deux rapports d'impôt, un au Canada et un au Québec, mais d'en faire un seul qui irait au Québec. Donc, le gouvernement du Québec récolterait toutes les taxes des Québécois. Okay. Et donnerait au fédéral ce qui lui revient pour les programmes fédéraux. Donc, c'est de revenir à ce que devait être la Confédération canadienne au départ, c'est-à-dire que on investit dans ce qu'on veut bien investir, c'est-à-dire des services de beaucoup plus de défense du territoire, l'armée, par exemple, ou la monnaie, des choses comme ça. Mais les provinces se sont mises en commun pour s'offrir des services communs, disons, mais là, ça serait pas non plus une déclaration unilatérale de souveraineté, fait que il y aurait l'élection. Si le Parti Option nationale était élu, il dirait « OK, je dois... » une juste part pour les programmes communs au Canada. Mais en même temps, on sait que l'argent, c'est le pouvoir. Hein, puis si l'argent est récolté par le gouvernement du Québec, ben, au lieu de toujours aller têter pour dire « Vous nous devez tant du côté de tel programme, vous nous devez tant depuis tant d'années, tant de milliards, vous nous le devez », ben là, le gros bout du bâton, dans le fond, c'est le Québec qui l'aurait pour dire « Écoutez, ça, nous, on juge qu'on vous le doit plus puis, ou qu'on vous le doit pas, puis c'est comme ça ». Fait que donc, il ferait ça, rapatrierait aussi les lois. En fait, ferait voter toutes les lois par l'Assemblée nationale. On sait qu'il y a beaucoup de lois vraiment contradictoires, pas contradictoires, mais controversées que le gouvernement Harper est en train de passer, les lois criminelles principalement. Puis ces lois criminelles-là, ce sont des lois fédérales. Ça appartient au fédéral. Le Québec ne fait pas de lois criminelles. Il doit juste les appliquer. Fait que ce que propose Option nationale, c'est que dès l'élection, toutes les lois qui s'appliquent au Québec doivent être votées par l'Assemblée nationale. Donc, l'Assemblée nationale reverrait toutes les lois criminelles et dirait celle-ci nous va, celle-ci ne nous va pas, celle-ci on la respecte, celle-ci on ne veut pas la respecter. Et non seulement les lois criminelles, toutes les lois qui concernent la protection de l'environnement, les GES, nomme-les, là, tout ce qu'il y a interférence même dans tout ce qui est dossier, des dossiers comme la santé, par exemple, où le gouvernement fédéral veut nous redistribuer notre argent, mais sous forme de programme. Donc, il faut respecter des normes qui sont souvent mises sur pied par un gouvernement qui appuie d'autres valeurs qui viennent d'ailleurs. C'est bien ça? Oui, bien souvent, ça, c'est pas entériné par des lois, par exemple, c'est des espèces d'ententes fédérales-provinciales qui fait que le fédéral dit « Je vous donne cet argent-là que je reçois, je prends, le fédéral reçoit des taxes des Québécois et dit au Québec « Je vais vous redonner cet argent-là pour tel programme si et seulement si vous appliquez telle condition, même dans les compétences du Québec. » Donc, tout ça, c'est des manières de faire qui ramènent le gros bout du bâton au Québec puis qui ferait que le Québec serait pas toujours en train de quémander puis de se plaindre puis de dire ben ça on veut pas puis de se faire imposer des trucs pareils. Moi je trouve ça assez intelligent. Et finalement renégocier ou réapprouver tous les traités qui concernent le Québec, tous les traités internationaux. Fait que c'est trois aspects de la vie d'un pays souverain que Option nationale ramènerait au Québec dès son élection, donc rapatrier les taxes, voter toutes ces lois et négocier tous ces traités. Et pendant ce temps-là, après avoir été élu, il mettrait des experts, des gens de la population, une large consultation parmi la population, mettrait ça ensemble pour rédiger une constitution québécoise, dont un des articles les plus importants serait « Le Québec est un pays souverain ». Et c'est cette constitution-là qui serait soumise au vote des Québécois. Et puis là, Option nationale espérait récolter plus que 50% pour pouvoir déclarer unilatéralement, pas unilatéralement, avec son peuple, l'indépendance. Donc, c'est un peu... ça, c'est les grandes lignes de son programme. Mais évidemment, il y avait beaucoup d'autres points assez originaux, comme étendre l'Internet à tout le territoire québécois. Donc, s'assurer que tout le territoire québécois, ou en fait, tous les Québécois ont accès à Internet sans fil, haute vitesse. Il y a la gratuité scolaire jusqu'au doctorat. Beaucoup d'emphase sur l'éducation comme un investissement dans la matière grise des citoyens. Hein, la seule ressource qui soit éternellement renouvelable, peut-être pas la seule, mais en tout cas, une des plus intéressante, qui soit renouvelable vraiment à l'infini. Il veut élargir le rôle des infirmières, des pharmaciens, plus de reconnaissance, diplôme des médecins étrangers, faire face au lobby médical dont on commence à reconnaître la puissance, et au lobby pharmaceutique, entre autres par la création de Pharma Québec, qui pourrait produire elle-même des médicaments génériques et aussi finalement avoir un mot à dire sur le prix des médicaments. Catherine, c'est vraiment ce que je retiens de tout ça. Je l'ai lu moi aussi attentivement, cette plateforme-là qui a été lancée. Et les gros chiffres, les grandes lignes qu'il y a à retenir, je pense, pour ce qui a été sorti aussi dans les journaux, les médias, c'est le rapatriement de tous nos impôts. C'est j'ai bien compris, ça serait 800 millions de dollars qui seraient économisés, ouais. Économisés, donc engrangés à nouveau dans les coffres du Québec. Et ces 800 millions de dollars-là seraient investis directement dans les programmes sociaux, dans la protection de l'environnement, l'éducation, la santé, ce que vous voulez, madame, messieurs, la justice, la sécurité publique. Ce que j'aime, en fait, de sa plateforme, c'est qu'il y a toujours un lien, et l'économique est toujours relié au social. Par exemple, quand il parle de faire un monorail électrique suspendu entre les grands centres du Québec, ben oui, c'est sûr qu'économiquement, ça, tu sais, comme un monorail, ça irait plus vite, ça ferait qu'il y aurait plus d'échanges, économiquement, ça serait bon, mais en même temps, ça rapprocherait les Québécois entre eux, parce que ça serait pas juste faire un train Montréal-New York, ça serait faire un train entre Québec, Montréal et d'autres villes du Québec, pour que les Québécois entre eux se voient plus, passent plus d'une place à l'autre, se connaissent plus le Québec, travaillent plus facilement en région ou de région en ville, puis que finalement, il y a une espèce de cohésion dans le peuple québécois, qu'il y ait un plus grand brassage, puis que cette culture-là puisse un peu plus... Et le cœur du projet de pays de Jean-Martin Hossan réside beaucoup dans la nationalisation des ressources naturelles. Ah oui, c'est sûr, ça, j'ai oublié de dire ça. La révolution tranquille, mesdames et messieurs, la grande base de la révolution tranquille, c'est évidemment les grands chantiers d'Hydro-Québec, la nationalisation de l'électricité qui a démocratisé l'électricité, qui a permis à tout le Québec, les Québécois et les Québécoises, d'avoir une source d'énergie qui est renouvelable et à bon prix, en fait, pour pouvoir se loger. Et ça a permis au Québec d'entrer vraiment dans l'ère moderne. Et ce qu'il faut retenir, il y a un documentaire formidable à l'émission, tout le monde en parlait, c'est disponible sur tout.tv, où on raconte justement ces grands chantiers, la Manic, entre autres, la Rivière-la-Grande, où René Lévesque, lorsqu'il a nationalisé l'électricité, tous ces grands chantiers-là, au lieu d'être donnés à des firmes étrangères, anglophones souvent, qui étaient reconnues, qui étaient bien en place, comme c'était le cas depuis le début, souvent sous Maurice Duplessis, ben, il a décidé, quand il était au Parti libéral de Jean Lesage, il est allé voir des ingénieurs francophones, rassemblez-vous en firme d'ingénierie, faites des unions et tout ça, et moi je vous donne ces contrats-là. Donc, ça a forcé le développement d'une compétence québécoise. Oui. Et même avec les difficultés que ces grands barrages-là ont fait naître, eh ben, l'expertise québécoise est devenue la meilleure dans le monde. Jean-Martin Hossan, c'est un peu ce qu'il propose. On va tout nationaliser, les mines, la forêt, tout ce que vous voulez. Et grâce à ça, on va justement... Excuse-moi. Non, vas-y, je me trompe peut-être, en fait. Tout ce qui est ressources naturelles, c'est ça qui serait... Ouais. Les ressources naturelles du Québec, en fait, en ce moment, on voit qu'il y a une espèce de bradage des ressources. Là. C'est surtout pour contrer ce mouvement-là, puis faire en sorte que, oui, on puisse aussi les traiter ici, puis par des Québécois, ou que l'énergie, si on développe l'éolien, ben ça soit une nouvelle ressource. C'est en lien avec l'éducation aussi, que les gens développent une expertise en éolien. Voilà, si je veux poursuivre, et là, le but, ça serait évidemment, au lieu de donner, comme là, présentement, le plan Nord donne les mines, entre autres, et la forêt, à des intérêts étrangers, on a parlé de Chinois, de Brésiliens, tout ça, ben, ça serait des compagnies d'ingénierie francophones au Québec qui prendraient ça en charge. Donc, on développerait une nouvelle expertise, on créerait de l'emploi à ce moment-là, et au lieu d'engranger tous les revenus, tous les profits de cette industrie-là dans les coffres d'industrie de compagnies étrangères qui l'argent quitte le pays, eh bien, cet argent-là resterait complètement dans nos coffres ici au Québec. Et là, on pourrait réinvestir dans les programmes qui nous tiennent à cœur. Donc, on créerait de l'emploi, on créerait aussi des expertises québécoises qui nous permettraient de devenir des fers de lance partout dans le monde. Et cet argent-là, au lieu d'être donné à des intérêts étrangers, comme c'est le cas avec le gouvernement libéral présentement, la libéralisation de nos ressources, eh bien, les revenus demeuraient ici au Québec, et on en ferait ce qu'on voudrait, et surtout, on exploiterait ces choses-là comme on l'entend. Oui, parce que puis aussi, il n'y a pas juste c'est les exploiter, mais c'est aussi les exploiter pour nous, mais c'est aussi que en ce moment, des ressources qui ont beaucoup de valeur sont en train d'être extirpées du sol québécois, sont en train de partir du Québec, beaucoup de ressources. Les ressources minières, c'est pas renouvelable. Une fois que c'est parti, c'est parti. Les ressources gazières, même chose. Tu sais, une fois que c'est extirpé, ben c'est parti. Notre sol vaut moins cher. On prend dans notre coffre, dans notre sol, une valeur, puis on l'envoie à un étranger, à quelqu'un qui va en faire l'usage qu'il veut, là. Sauf que contre ça, il faut qu'on aille une juste valeur, nous. Puis si on reçoit juste un faible pourcentage, comme c'est le cas en ce moment, des profits qui sont faits sur l'extraction minière et sur l'extraction de toutes sortes d'autres ressources naturelles, bien, on se fait un peu avoir, dans le fond, parce qu'on laisse, on dit « Oui, oui, venez, venez, venez, donnez-nous quelques jobs », mais ça reste que la grosse majorité du profit, c'est pas nous qui la faisons. Puis pourtant, la ressource, au départ, nous appartient collectivement. Et voilà. Et donnez-nous des jobs, on demeure quand même vassalisés à des compagnies et tout ça qui viennent de l'extérieur. On est... pas capable de se prendre en main nous-mêmes. Faisons-le par nous-mêmes. On est capable de le faire. On l'a prouvé par le passé dans toutes sortes. L'ingéniosité québécoise est reconnue dans tous les domaines partout dans le monde, sauf ici même. Nul n'est prophète en son pays. Et ce qui est important aussi de retenir, c'est que les compagnies étrangères qui débarquent, eux, viennent exploiter nos ressources, ne nous redonnent pas une redevance qui est vraiment digne de ce nom. Mais en plus, eux cherchent un profit. Donc, ce qu'elles vont faire, c'est une exploitation la moins chère possible. Et le danger qui guette, et ça, c'est soulevé dans le documentaire True Story de Richard Desjardins, c'est qu'entre autres, les mines vont être creusées à ciel ouvert. C'est qu'au lieu d'avoir une technologie plus chère et plus difficile d'extraction au sous-sol qui va permettre de garder la forêt au-dessus, de garder une parcelle de territoire, eh bien, ils vont tout simplement creuser et ça va laisser des immenses carrières dans le Nord québécois. Ouais. Tandis que nous, ici, si on prend possession de ces ressources-là, on va pouvoir justement dire non, nous, on va préserver notre sol, notre forêt et tout ça, on va investir un peu plus d'argent pour avoir une technologie plus difficile, une extraction plus difficile, mais au moins, on défigurera pas notre pays, on va garder... c'est une exploitation responsable aussi qu'on invite à prendre de la part de Jean-Martin Hossan, et ça, c'est extraordinaire. Mais c'est parce que quand c'est le cas, quand c'est... parce qu'il disait, justement, pendant le point de presse, il disait, c'est pas une mesure communiste, ça s'est fait pendant les années 60 du René Lévesque, justement, puis ça a été une mesure qui est encore applaudie aujourd'hui. C'est pas communiste, c'est juste du gros bon sens. Pourquoi? Parce que quand c'est le public qui gère ça, c'est sûr qu'il peut y avoir des fois, tu sais, là, on vit dans un moment où il y a énormément de corruption et tout, mais la corruption, même dans les services publics, va avec la libéralisation, c'est-à-dire qu'il y a collusion entre le service public et le service privé. Mais quand c'est le public qui, tout seul, gère ces ressources-là, il le fait dans une perspective qui est beaucoup plus large que juste la recherche de profit. Il le fait dans une perspective qui est la recherche du plus grand... Bien commun, c'est ça. C'est un profit qui se traduit en bien commun et non pas juste en cash. Fait que ça, c'est ça aussi qu'en tant que société, on veut-tu vraiment juste que des sociétés minières qui n'ont même pas leur siège au Québec fassent monter leurs actions? C'est tout ça notre but, nous, comme société? Et voilà, il faut se souvenir aussi que d'autres ressources souffrent également au Québec. Le bois, c'est pas compliqué. Les compagnies de transformation américaines nous l'achètent à bas prix, vont le transformer aux États-Unis pour créer des emplois et nous revendre ces produits-là chez nous. Je vois pas pourquoi on serait pas capable de produire nous-mêmes nos propres meubles ou quoi que ce soit au niveau du bois d'exploitation. Et la dernière ressource naturelle qui a été dénationalisée, c'est le gaz naturel par M. Lucien Bouchard lui-même lorsqu'il était premier ministre du Québec. Et qu'est-ce qu'il fait présentement? C'est qu'il travaille pour ces compagnies-là qui maintenant ont pris la possession du gaz naturel au Québec et qui là maintenant veulent nous rentrer à travers la gorge les gaz de schiste présentement. Donc, c'est pas ça le danger qui nous guette aussi si on laisse rentrer toutes ces compagnies minières qui vont défigurer notre pays. Mmh. On serait peut-être mieux de les prendre en main puis de dire mettre un haut là et de gérer notre propre jardin comme on l'entend. Ouais. C'est comme, madame, monsieur, si vous faisiez un jardin dans votre cour et que les voisins venaient chercher vos légumes sans trop vous demander la permission. C'est comme vous donniez tu peux te servir, mais que vous reveniez après ça une coupe d'heure après, il n'y a plus rien et que votre sol n'est plus utilisable après. C'est un peu la même. On vous a laissé un petit 5$ en dessous de la poubelle d'or. Oh, ouais, un petit mot, merci beaucoup. On se voit plus tard. Puis à part ça, dans sa plateforme, juste pour terminer là-dessus, c'était par rapport à l'immigration, il y avait une mesure nouvelle, en fait. Je ne me rappelle pas avoir entendu ça nulle part. Le français, la maîtrise du français serait obligatoire pour tout immigrant qui veut rentrer au Québec. Sauf évidemment quand il est question de réfugiés ou de gens qui effectivement, il y a des cas particuliers. Oui, des cas. Là, si dans ton pays, tu es sûr de mourir, c'est autre chose. Là. Mais pour les immigrants qui viennent ici, en fait, parce que beaucoup d'immigrants viennent dans des pays comme le Canada ou le Québec ou les pays occidentaux, si on veut, par opportunisme économique. Là, le mot opportunisme, mettez-y pas le côté péjoratif qu'il y a d'habitude. En fait, les gens veulent avoir une vie meilleure, veulent pouvoir offrir à leurs enfants une vie meilleure. Et souvent, ils vont choisir un peu n'importe quel où ils vont rentrer s'ils connaissent quelqu'un ou ils vont pas choisir le pays en fonction du pays. Et ça, c'est une façon de dire à ces gens-là, bien sûr, nous comprenons cette entreprise-là, qu'on comprend que tu as envie de venir ici, mais sache que nous, à l'inverse, la condition, c'est on veut qu'il y ait une bonne cohésion sociale entre tout le monde, et ça passe par la langue, passe par le premier moyen de communication entre les êtres humains, c'est-à-dire la langue, et chez nous, c'est le français. Fait que si tu parles couramment français, bien évidemment, là maintenant, on peut procéder à la suite de l'étude du dossier. Ensuite, évidemment, là, ça a été proposé aussi par Bernard Drainville, les élections à date fixe. Jean-Martin Hossan propose aussi le financement public des partis politiques et abolir le poste de lieutenant-gouverneur, cette absurdité qui est encore là aujourd'hui. Fait que, après avoir, au point de presse, après avoir expliqué toute cette plateforme-là, qui était intéressante et très innovatrice sur beaucoup de points, Les questions se sont beaucoup dirigées sur les questions des journalistes se sont beaucoup dirigées sur des affaires qu'on entend vraiment souvent. Moi, chaque fois que je me retrouve dans des événements du genre, j'entends toujours les mêmes questions. La première qui a été posée une fois et demie ou deux fois, là, quelqu'un a reposé, mais dans d'autres mots. Bon, le vote souverainiste, c'est pas un peu divisé, là, surtout que le jour même, Gilles Duceppe venait de dire, d'envoyer une lettre à Pauline Marois, publique, pour lui dire, écoute, je ne veux pas prendre ta place et je t'appuie, je suis avec toi, ne suis pas prêt à rentrer en politique. Donc, François Legault doit mieux dormir. François Legault doit bien dormir, pour l'instant. Pour l'instant. Mais donc, et j'ai bien aimé la réponse. Il a dit, justement, parlant de François Legault, quand un nouveau parti fédéraliste voit le jour, il n'y a personne qui crie à la division du vote fédéraliste. Mais dès qu'un nouveau parti souverainiste voit le jour, tout le monde dit il se divise. Fait que c'est le fun, ça met un peu de recul là-dessus. On a l'impression qu'il y a une espèce de traitement de faveur dans les médias je saurais pas dire si c'est les forces de l'argent ou de la droite ou de. Mais je trouve que les médias établis sont. Penche vraiment toujours du même sens. Là. Un peu comme la Cour suprême avec la métaphore de la tour de Pise. Là, c'est un peu dangereux parce qu'écoute, on prend par exemple Radio-Canada qui est pris d'assaut de deux flancs. C'est-à-dire qu'ils se battent contre l'Empire québécois, hein, premièrement, qui vraiment n'est pas du tout pour l'indépendance du Québec, on se comprendra bien. Et de l'autre côté, il y a le gouvernement Harper qui menace de faire des coupes dans Radio-Canada et ces gens-là ont des jobs à perdre aussi, ils veulent pas. Puis c'est une télé publique, c'est important. C'est vraiment. C'est preuve d'une civilisation, je pense, qu'une télévision publique pour avoir une information la plus juste et neutre possible. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont, je ne sais pas jusqu'à quel point ils sont pris en sandwich entre ces deux entités-là très fortes qui font des pressions. Ça joue peut-être sur leur enthousiasme à couvrir des événements comme ceux-là. Je sais pas si peut-être ça se peut, mais il y a aussi autre chose, c'est que j'ai l'impression qu'ils se créent des vagues toutes seules. Tu sais, je lisais à un moment donné que la CIA, quand ils voulaient partir une rumeur qui allait beaucoup influencer sur l'opinion publique, ils lançaient dans les médias donc une fausse nouvelle. Peut-être qu'ils lançaient ça dans deux médias parmi les plus importants. Là, ces médias-là passaient la nouvelle, puis tous les autres médias, après avoir vu la nouvelle dans ces deux médias importants-là, relayaient ça, puis la CIA n'avait plus rien à faire. La nouvelle était partie de par le monde, relayée par tous les journaux. Fait que là, ce qui arrive, moi, j'ai l'impression que c'est il y a des nouvelles qui sortent un peu par parti pris. Québécois en a probablement. Peut-être certaines personnes à Radio-Canada. Je sais pas, mais dans tous les médias, écoutez, c'est géré par des êtres humains. Là. On s'entend qu'il y a personne là-dedans qui est un robot, qui est totalement impartial. Puis il y en a, d'après moi, qui sont très partiaux. Donc, ils peuvent partir des nouvelles puis enrichir ces nouvelles-là tous les jours par des détails. Là, François Legault, à un moment donné, les détails qu'on a sur lui, c'est aberrant. Là, je veux dire, c'est pas important. Là, c'est pas d'intérêt public. Il y a énormément de choses qui sortent sur lui. Mais on en parle tout le temps, on voit sa face tout le temps. Puis peut-être qu'au départ, c'est lancé par des gens qui disent « il faut qu'on parle de François Legault », par des médias ou des portions de médias qui disent « il faut qu'on en parle, je veux en parler, je veux qu'il soit populaire ». Mais c'est pas, ils n'ont pas besoin de le faire tant que ça, parce qu'après, les médias se répètent tellement les uns les autres, puis je pense qu'il y a une espèce d'automatisme là-dedans. Les médias se disent « si on en parle beaucoup, c'est parce que nous aussi, il faut en parler. Puis plus on en parle, plus il faut en parler. » Et si on en parle, c'est important. Si on en parle, c'est important. C'est important, là. Plus on jacasse là-dessus. Oui, plus on jacasse là-dessus. Et voilà, exactement. C'est un gros cercle vicieux, puis on entend juste, tu sais, il y a des affaires qui masquent tout le reste. Puis je pense que là, ben, il va falloir les gens qui sont pas dans la faveur de ces médias-là, puis qui veulent travailler dans la société civile, peut-être comme option nationale, vont devoir faire ça en se foutant carrément des médias, en disant, écoutez, les médias, ils viendront quand ils verront qu'on a réussi malgré eux à générer un enthousiasme, à générer un engouement. Si, puis c'est arrivé, là, je veux dire, il y a quand même des pays où les médias étaient hyper contrôlés, comme en Tunisie, où il y a eu une révolution, là, ça se peut, là, tu sais, il y a d'autres. Même Berlusconi en Italie qui vient de démissionner sous la pression européenne, voilà la pression interne à l'intérieur du pays. Quand les mobilisations se font depuis cet été, il y en a beaucoup, et ben voilà, le Cavaliere, qu'on l'appelle, a été poussé à démissionner lui-même. C'est un peu le Pierre-Carlo Pelado d'Italie, hein, c'est un grand magnat de la presse. Oui. Et voilà, ça, il a penché, lui aussi, il a flanché. Donc, les mouvements citoyens, puis la société civile qui recommence petit à petit à s'exprimer. D'ailleurs, entre autres, dans le film République d'Hugo La Tulipe, dont on va parler tantôt, la société civile recommence à brasser, à se parler, à faire des films, à avoir des émissions de radio communautaires. Et surtout sur Facebook, sur Internet, c'est un discours qui prend sa place en dehors des médias. Et ça, c'est une bouffée d'air que les gens qui font juste écouter la télévision des postes principaux ne voient pas encore, mais qui risquent d'arriver tôt ou tard. Puis à un moment donné, les médias, eux, vont être obligés de se tourner vers cette société civile-là qui s'active parce qu'ils vont voir, crif, comment ça, eux autres, c'est quoi ce parti-là qui a levé sans nous, là? On va aller voir, puis on va s'informer. Puis maintenant, on va être obligés d'en parler. Bref, Catherine Dorion, merci beaucoup de ce compte-rendu de cette plateforme d'Option nationale Jean-Martin Hossan qu'on a reçu il y a quelques semaines en entrevue ici, qui nous expliquait quelques lignes de sa vision. Maintenant, c'est écrit, c'est sur papier, c'est entendu, disponible pour tous. Et moi, ce que je retiens, Catherine, de cet homme, c'est que souvent on reproche l'image traditionnelle du nationalisme québécois. C'est des masses en l'air, c'est des grands discours grandiloquents, des gens qui parlent plus fort que d'autres, des asticoteux, comme on les appelle. Et bien là, on tombe dans une nouvelle ère du nationalisme, du souverainisme québécois. Jean-Martin Hossan est un homme posé, intelligent, c'est un actuaire. Très pragmatique. Très, très, très pragmatique. Qui voit loin en même temps. Pas pragmatique comme Legault peut être pragmatique, c'est-à-dire voir en avant deux pouces, là. Il voit vraiment loin, tu sais, c'est conséquent, le discours. Exactement, et son discours outrepasse les croyances populaires actuelles, les angoisses actuelles. Il voit vraiment une belle perspective d'avenir, et surtout, pour en avoir discuté quand on l'a croisé ici, ce qu'il veut, lui, honnêtement, c'est bâtir un meilleur monde pour ses enfants, point à la barre, et c'est tout ce qu'il veut faire. Donc, il n'y a pas de grandes ambitions politiques ou quoi que ce soit, c'est un rêve d'un pays nouveau, et c'est vraiment très, très rafraîchissant et... Et enthousiasmant. Oui, il laisse vraiment une impression d'intégrité qui fait du bien. Voilà. Alors, merci beaucoup, Catherine. Après la pause, on revient avec un récipiendaire des prix du Québec, que je vous le rappelle, qui était remis hier à l'Assemblée nationale. C'est la plus haute distinction que le gouvernement québécois peut donner à des gens, des Québécois, pour leur l'œuvre d'une vie, en fait, leur accomplissement dans les domaines de la science et de la culture. Il est ici de Québec et il est le titulaire de la chaire en études nordiques à l'Université Laval. Il a reçu le prix Marie-Victorin, remis pour un grand spécialiste en sciences de la nature. C'est Serge Payette qui va nous parler de réchauffement climatique, entre autres. Et puis, nous, on rentre dans un petit bloc pub, et tout de suite après, un bloc musical, on va entendre Les Colocs et Gilles Vigneault et Les Charbonniers de l'Enfer. La tabagie Saint-Jean fait aujourd'hui figure d'institution. Revues, magazines, commodités en tout genre, incluant bière, vin, café, choix de viennoiserie et autres sucreries. La Tabagie Saint-Jean, 620 rue Saint-Jean, 418-522-5923 pour les livraisons l'an semaine. Venez aussi découvrir en exclusivité le système électronique HD Smoke et rendez-vous sur tabagiesaintjean.com. La Tabagie Saint-Jean, connaît le tabac. Montcalm, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, l'ancienne Lorraine. C'est possible, n'attends plus. Duchesse, lise-toi. Nouveauté cette année, il n'y aura pas de Duchesse. Mesdames et messieurs, je suis Duchesse en Lyon. Rendez-vous à Revengeance Duchesse avec un S.com. Remplissez le questionnaire pour devenir Duchesse. 4 limites, 18 novembre. La Revengeance Duchesse 2012. Ce sera la fin du monde. Tu es vraiment infernal. Les jeudis soirs, écoutez CKRL, 18h30. Michel Drolet vous présente Mezzanine, les nouveautés du rock britannique actuel. Today's security code is 5-33-41-18. Mezzanine, seulement 89 ans. Aujourd'hui, la télévision ne nous voit pour constater l'état du désespoir. Le compte de sans-abri à la veille de Noël, ça c'est un bon sujet pour le show des nouvelles. La caméra d'en face, j'y faisais des grimaces. Mais qu'est-ce qu'ils font là à filmer ma carcasse? C'est pour un reportage pour les plus démunis. Vous devez savoir ton nom, vous devez ton taudis. J'avais pas des taudis, mais après pas, je viens tout seul. Après j'ai poussé, il y avait mon point sa gueule. Tout le Charlie travaille pour les yuppies. Si j'avais pas voté, je voudrais pas pour lui. Et là, mais tu sais, lui, pourquoi je suis dans la rue? Je suis fait pense-moi à pas, puis je vais compter des buts. Yeah! je m'en vais me saouler. Tu vas savoir plus long si tu n'en as plus trop. C'est comme la télé là, à des alcooliques. Alors mais tu salues, pourquoi tu vis dans rue? Qui se fait pour moi, fuck, je vais m'en dire des budgets. Ajoutez trois bars et whisky pour ça. le mien. Vous verrez d'où ce que le vent vient. Ce bloc musical à la fausse part sur CKRL 89.1 avec Gilles Vignon et les Charbonniers de l'Enfer, la sacrée rencontre. Petite dédicace de la première chanson des Colocs, Passe-moi à Poc. J'aimerais la donner à tous ces gens qui occupent le Parc Saint-Roch présentement, qui aimeraient bien avoir une petite chance de prendre la parole et de mettre l'épaule à la roue. Passe-moi à Poc aussi, dédicace à Jean-Martin Hossan qui réclame son droit aussi de bâtir quelque chose, de mettre l'épaule à la roue. Et mettez votre parka, je mets le mien, vous verrez d'où ce que le vent vient. Je pense que c'est une bonne parole qu'on pourrait lancer à tous les Québécois, Gilles Vigneault, sa grande sagesse. Il est peut-être temps justement qu'on prenne le bateau et qu'on laisse le vent gonfler la voile. Catherine! Christian! Nous sommes de retour, on est nous en très bonne compagnie présentement, tel qu'annoncé en début d'émission. Monsieur Serge Payette, qui hier était à l'Assemblée nationale pour recevoir le prix Marie-Victorin, des prix du Québec, en fait, cette formidable distinction que le gouvernement québécois décerne à des grands Québécois, des grandes Québécoises. Pour donner une petite idée, hier, entre autres, le prix Radio-Télé a été remporté par Mme Jeannette Bertrand, Jacques Duval, le prix sur la langue française. C'est les plus connus, évidemment, il y a des gens qui sont dans les domaines, le docteur Nabil Saïda, entre autres, qui a fait une découverte formidable en science sur ce qu'ils appellent les protéines convertases. C'est les protéines qui permettent à certaines pathologies de se développer dans le corps. Donc, comme le cancer, l'hépatite B ou même le VIH, eh bien, sans ces protéines-là, le VIH ne pourrait pas s'agripper au corps et nous infecter. Donc, ils ont découvert que c'est grâce ou à cause de ces protéines-là que ces maladies-là se développent. Donc, c'est une avancée, une percée formidable en médecine. Et celui qui est avec nous aujourd'hui, il a remporté le prix Marie-Victorin. C'est le domaine de la, je crois, c'est la biologie et les sciences de la nature. C'est bien ça, M. Payette? Tout à fait, oui. Alors, M. Payette, vous êtes titulaire de la chaire en études nordiques à l'Université Laval et vous avez beaucoup travaillé avec, en fait, dans le Nord, dans l'Arctique québécois. D'abord, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Oui, nous aussi. Un grand plaisir de vous recevoir. Donc, rapidement, M. Payette, expliquez-nous vous êtes enseignant à l'Université Laval également. Donc, expliquez-nous un peu quel est votre métier au quotidien. Ah, ben moi, je suis prof à l'université, ça fait déjà des décennies maintenant. Alors, j'enseigne au département de biologie et puis je donne des cours au premier cycle. Un cours d'ailleurs qui s'appelle Dynamique des écosystèmes et qui est un cours pratique sur le terrain où on emmène les étudiants faire un stage en pleine nature pendant 15 jours, jusque dans le nord du Québec aussi. Ah oui. Et également un cours aux étudiants de maîtrise et de doctorat. Puis sinon, ben j'encadre des étudiants à la maîtrise au doctorat. On fait de la recherche, évidemment. Donc, plusieurs étudiants qui, dans mon équipe de recherche, font des thèses, soit d'une maîtrise, soit un doctorat, dans le domaine de la biologie, surtout de l'écologie végétale, parfois de la botanique. Voilà, à peu près en gros. Il y a de l'administration, évidemment. Chaque prof fait de l'administration un petit peu aussi. On cherche des subventions, évidemment, pour faire la recherche, qui coûte très, très cher. Quand on travaille dans le nord du Québec, par exemple, ça coûte extrêmement cher. Donc, il faut faire des demandes de subventions auprès du gouvernement fédéral puis du gouvernement du Québec. Très bien. C'est quoi la chaire en études nordiques, M. Payette? C'est une chaire de recherche qui est subventionnée par le gouvernement fédéral, ce qu'on appelle le CRSNG, le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada. C'est une chaire... il y en a 6 semblables au pays. C'est des chaires qui ont été... c'est sous... compétition, comme on dit. C'est un concours où il y a eu 6 chaires accordées au pays à 6 profs différents. Et moi, j'en ai eu une. Et ça fait... je suis au terme de cette chaire-là. Ça dure... il y a deux termes de 5 ans. Donc, on est à la fin du deuxième terme actuellement. Et c'est des chaires qui sont données dont par concours. Donc, il faut présenter notre dossier de recherche. Proposer un programme de recherche. Dans mon cas, évidemment, c'était en écologie nordique. Et puis, on a reçu une subvention qui est intéressante. C'est une subvention qui est en deux parties. Il y a une partie pour payer la recherche en tant que telle. Puis la deuxième partie, ça paye mon salaire, qui, à ce moment-là, nous permet d'engager un jeune prof, un nouveau prof. Alors, ce qui s'est passé, d'ailleurs, dans mon cas. Donc, en créant cette chaire-là, on a pu donc faire de la recherche, avoir beaucoup d'étudiants à la maîtrise et doctorat, mais en plus de créer un poste de prof, un jeune prof, qui éventuellement, évidemment, pourra poursuivre le travail que je fais. Très bien. Et vous êtes reconnu comme étant un spécialiste en écologie des perturbations, c'est bien ça? Oui. Perturbation, ça fait un peu bizarre comme ça, mais en fait, dans la nature, ce qui gouverne la diversité biologique, la composition de nos paysages, les types de forêts, les tourbières et tout ça, c'est déterminé par le changement à travers le temps. Le temps, est évidemment, c'est la toile de fond, mais à travers le temps, donc, il y a des changements de climat, par exemple. Et il y a aussi, pendant l'été, à différents étés, les feux peuvent devenir plus importants, plus fréquents. C'est donc tous ces éléments-là, le climat, les feux, les insectes qui affectent la croissance des arbres, ce qu'on appelle des perturbations que l'on étudie donc dans le cadre de cette chaire-là. Perturbations donc qui sont déterminantes pour expliquer la diversité biologique qu'on a sur la planète. Et dans notre cas, évidemment, c'est surtout pour les régions boréales et arctiques du Canada, donc où on fait le travail. Donc, dynamique des perturbations, c'est essayer donc finalement de comprendre comment nos paysages évoluent à travers le temps. La forêt boréale que nous connaissons bien, qui est exploitée pour le bois, par exemple, pour la pulpe ou le bois d'œuvre, évidemment. Cette diversité biologique de la forêt boréale est avant tout donc déterminée par les conditions de climat et notamment les feux de forêt et l'influence des insectes comme la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Donc, ce sont toutes des perturbations importantes. Voilà. Donc, finalement, lorsqu'on parle de... Il y a un terme très, j'allais dire à la mode, mais c'est de façon négative, là, par les temps qui courent, c'est le fameux terme changement climatique. Donc, c'est en plein dans le cœur de vos travaux, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Le changement climatique, c'est un incontournable. Si on ne considère pas ça comme un facteur important, on est dans le champ, comme on pourrait dire. Et moi, quand j'ai commencé à travailler au Nord, c'était pas un thème qui était important. Et puis, on a réalisé ça avec le temps, à force de circuler en forêt, voyager à travers tout cet espace boréal, on a constaté que le facteur climatique était déterminant, en fait, que c'est un facteur qu'il fallait donc retenir pour comprendre la composition de la forêt et sa dynamique intrinsèque. En fait, le réchauffement climatique, carrément? Oui, le réchauffement climatique, ce que j'ai pu voir, c'est quand j'ai travaillé au tout début dans l'extrême nord de la forêt boréale, c'est la fin de la croissance forestière. Les derniers arbres, évidemment très, très loin d'ici, on constatait, par exemple, que les forêts, et c'est un phénomène très général, sont composées d'épinettes noires, par exemple. Vous connaissez hein, cette espèce-là, c'est une espèce extraordinaire, c'est peut-être la plus importante au pays. C'est l'arbre le plus important sur le plan de l'économie forestière. Alors, les forêts les plus nordiques, on constatait que ces forêts-là étaient très, très vieilles, mais lorsqu'on regardait la forme des arbres, les arbres vivants, les épinettes noires vivantes, ce sont de très beaux arbres qui font, enfin, c'est pas tellement gros par rapport à ce qu'on a ici, mais faisaient 5 à 6 mètres de hauteur, alors que dans la même forêt, il y avait beaucoup d'arbres morts, et ces arbres morts de la même espèce étaient beaucoup plus petits. Et on a pu constater, en faisant des mesures sur la croissance des arbres, on a pu confirmer que les arbres morts vivaient à une période beaucoup plus froide que la période actuelle. Et ils étaient donc, à cette période-là, le climat était certainement plus froid parce que ces arbres-là, à maturité, en ayant le même âge que les arbres actuellement vivants, étaient plus petits. Ils étaient deux fois plus petits. Et donc, force était de constater qu'il y avait un facteur qui pouvait expliquer que c'était pas le feu, c'était pas les insectes, c'était forcément un facteur dominant à travers ce vaste espace, c'était forcément le climat. Et on constatait que ces arbres-là vivaient à une époque qu'on appelle maintenant le petit âge glaciaire, qui est une époque très bien connue en Europe. Pourquoi qu'on l'a appelé comme ça? Parce que, et ça date d'il y a 300-400 ans, dans les Alpes, par exemple, on a constaté qu'à cette époque-là, les glaciers dans les vallées alpines étaient beaucoup plus étendus, étaient beaucoup plus importants qu'ils le sont à l'heure actuelle. Et il y a des dossiers d'archives qui montrent très bien que des glaciers envahissaient même les villages dans le bas des vallées au cours du 18e siècle et du 17e siècle. Et okay, il y a des peintres à cette époque-là qui reconstituaient un peu les paysages et on voyait le glacier qui était juste aux portes du village. Et de nos jours, quand on retourne dans les mêmes vallées, le glacier est juché très, très haut dans la vallée. Depuis ce temps-là, le climat s'est réchauffé et le glacier a fondu pour une bonne partie. Et la forêt a suivi cette récession du glacier vers le haut de la vallée. Donc, des preuves, évidemment, circonstancielles, vraiment très, très évidentes. Est-ce qu'il y a des gens dans la communauté scientifique qui disent, qui qui disent encore que non, il n'y a pas de réchauffement climatique? Oui, il y en a. Il y en a très peu. Hein, mais vous voyez, c'est une très bonne question. Il y a 15 ans à peu près, il y avait beaucoup de gens, les sceptiques, qui ne croyaient pas à cette tendance-là. Il faut dire d'ailleurs hein, que depuis voilà, peut-être 15 ans, les chercheurs qui croyaient au changement climatique ne voyaient pas nécessairement les gaz à effet de serre comme étant l'élément déterminant qui pouvait expliquer donc ce réchauffement que nous connaissons à l'heure actuelle. Mais maintenant, c'est de plus en plus prouvé. Il y a un petit peu, il y a un acte de foi un peu là-dedans. Il est évident qu'il y a un réchauffement climatique, à savoir quels facteurs ou quelles combinaisons de facteurs ont été déterminants pour expliquer ce changement-là. Ça reste encore l'objet de discussion. Mais maintenant, depuis 10 ans, le CO2, la gaz carbonique, de toute évidence, semble être un des... Et les gaz associés, le méthane, importants. Par exemple, semble être les facteurs les explicatifs les plus plausibles. Très bien. Et selon vous, M. Payette, là, vous me parlez de l'ère glaciaire qui est quand même très récente. Vous parlez du 17e, 18e siècle. Ça ne fait pas des millions d'années. Là. On ne parle pas de la mer de Champlain. Tout à fait. Et bon, maintenant, au niveau de l'impact et du rôle de l'activité humaine dans ce réchauffement climatique-là, qu'est-ce qui a été constaté par vos collègues et vous-même? Ah donc, effectivement, depuis, on pense bien que le réchauffement climatique, disons, de la deuxième partie du 20e siècle, depuis les années 50, est vraiment un réchauffement qui est associé à l'augmentation du gaz carbonique dans l'atmosphère et forcément une influence directe de l'homme sur le climat. La période avant 1950, il y a eu un réchauffement, mais beaucoup plus faible, beaucoup moins évident, que l'on observait quand même chez les arbres, la croissance des arbres, mais qui aurait pu être causé par d'autres facteurs, incluant évidemment le CO2 qui a commencé à augmenter enfin depuis la fin du 18e siècle, pardon, mais d'autres facteurs pouvaient intervenir aussi. Des effets intrinsèques à la dynamique même du climat. Mais de toute évidence, depuis les années 50, c'est le CO2 qui est l'élément déterminant. Et en Amérique du Nord, surtout dans l'est de l'Amérique du Nord, comme au Québec, dans le nord du Canada, dans la partie nord-est du Canada, c'est depuis les années 90, on observe une augmentation de 2 degrés Celsius de température moyenne annuelle. En 50 ans, c'est ça? Oui, et depuis 1994, depuis 1995, on observe une augmentation de la température moyenne annuelle de 2 degrés Celsius. C'est beaucoup? C'est énorme. Vous voyez, pour faire un petit peu une image, si vous comparez la température moyenne annuelle du climat de la région de Montréal puis du climat de la région de Québec et même un peu plus à l'est de Québec, la différence entre les deux, c'est 1,5 degrés Celsius. Donc, entre Montréal et Rimouski, mettons, pour ceux qui ont déjà... Voilà. Entre Montréal et Rimouski, ça pourrait être certainement un 2 degrés Celsius. Puis, vous voyez la différence. L'automne, on est dans l'automne maintenant. C'est clair que la neige va arriver 2 semaines plus tôt ou 3 semaines plus tôt à Rimouski qu'à Montréal et va disparaître 2-3 semaines plus tard au printemps. Donc, il y a peut-être un mois et demi de différence climatique à la fraîche pour Rimouski par rapport à Montréal. Et ça, c'est 2 degrés Celsius. Et les espèces arborescentes ne sont pas les mêmes. Vous allez à Montréal et à Rimouski, il y a une différence considérable dans la diversité biologique. Puis au niveau de ce réchauffement climatique-là, il a des conséquences évidemment qui sont assez importantes. Vous avez fait une découverte il y a quelque temps qui a fait couler beaucoup d'angles, qui a fait beaucoup parler dans la communauté scientifique, même dans les médias. C'est la fonte de ce fameux pergélisol dans l'Arctique. Nous expliquer rapidement qu'est-ce que le pergélisol et qu'est-ce que sa fonte va engendrer comme conséquence. Ah, tout à fait. Le pergélisol, c'est peut-être l'icône, un peu comme on parle de l'ours polaire, là, qui est une espèce icône hein, qui nous montre très bien que dans l'Arctique, ça se réchauffe et l'habitat de l'animal, le magnifique animal, est en train d'être altéré considérablement. Bon, bien, pour le pergélisol, c'est la même chose pour tout le domaine du terrestre, des sciences de la Terre. Et le pergélisol, la définition qu'on donne, c'est un sol qui est gelé en permanence pendant au moins 2 années. OK? C'est une définition scientifique universelle qui est acceptée. Alors, on comprendra que dans les régions canadiennes nordiques, le sol, pour l'essentiel, est gelé en permanence depuis le départ des glaciers, depuis 10 000 ans. Ça fait un peu bizarre. Quand le glacier était là, vous aviez à l'époque, au moment de la déglaciation, 2 à 3 km de glace d'épaisseur au-dessus de la Terre. Donc, le gel au-dessus de la glace ne pouvait pas aller au niveau du sol. Donc, il n'y avait pas de pergélisol. Ça fait un peu paradoxal. Mais sous la glace de 2-3 km d'épaisseur, le sol était dégelé. OK, mais une fois que la glace est disparue, le climat tel qu'on le connaît s'est installé. Et dans les régions arctiques où il n'y a pas d'arbres, Il y a très peu de neige et donc le froid hivernal a pénétré davantage dans le sol. Et le pergélisol, donc, s'est formé depuis les tout débuts, après la déglaciation, depuis 10 000 ans. Le sol a été profondément donc affecté par l'onde de gel, surtout pendant l'hiver, même si, malgré le fait que les étés soient très courts et très frais, de sorte que l'épaisseur de du sol gelé a augmenté considérablement depuis la déglaciation. Alors, vous avez des endroits dans le nord canadien et dans l'extrême nord du Québec où vous avez au moins 200 mètres à 250 mètres de roc complètement gelé sous 0 degré Celsius. Et c'est dû au fait que depuis ce temps-là, depuis la déglaciation, il y a eu très peu de neige. Et donc, l'onde de froid a pénétré plus en profondeur. Et là, le pergélisol qui dégèle, ça dégage aussi. Vous parliez du méthane tout à l'heure. Donc, si j'ai bien compris là, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est que la fonte de ce pergélisol-là libère du méthane dans l'atmosphère qui lui-même va aider à accélérer le réchauffement. C'est bien ça? Ah, tout à fait. C'est un gaz radiatif beaucoup plus actif sur le plan du réchauffement que le gaz carbonique. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que le pergélisol, évidemment, dans l'extrême nord du Canada, il y en a beaucoup et c'est partout. Mais si vous allez vers le sud, comme dans le nord du Québec, il y a du pergélisol, vous arrivez aux confins de la forêt, là, il y a quand même du pergélisol. Là où il n'y a pas de forêt, ce qu'on appelle la limite des arbres, il y a des endroits, il y a des forêts, dans les dépressions, il y a beaucoup de neige l'hiver, donc il n'y a pas de gel. Mais tout à côté, sur les rochers où il n'y a pas de forêt, il y a du pergélisol. Puis dans le passé, il y avait de la forêt sur ces collines-là, puis les forêts sont disparues à cause des perturbations, comme on parlait tout à l'heure, comme les feux. Les forêts, à une certaine époque, se régénéraient après feu. Le climat était relativement chaud, mais depuis, notamment le petit âge glaciaire, comme on évoquait tout à l'heure, le climat s'est refroidi. Et s'il y avait conjonction de facteurs de refroidissement et d'incidence de feu, bien, évidemment, la forêt, à ce moment-là, ne pouvait pas se renouveler après le passage du feu parce qu'il faisait trop froid, les graines n'étaient pas suffisamment bien formées et tout ça. Et donc, avec la disparition de la forêt, ça a changé complètement l'enneigement du site. Donc, vu qu'il y a moins d'arbres, il y a moins de pièges à neige. Et donc, il y a moins de neige au sol et donc, ça a favorisé la pénétration du gel dans le sol. Et donc, le pergélisol que l'on a dans la partie nordique du Québec, aux confins de la toundra, du monde arctique. C'est un pergélisol qui est récent, qui est dû à la disparition de la forêt et qui est d'âge de 300-400 ans, qui date de la période qu'on a évoquée tout à l'heure, le petit âge glaciaire. Mais maintenant, parce qu'il faisait très froid, le petit âge glaciaire, ça a été peut-être la période depuis le départ des glaciers, la plus froide que l'on ait connue dans l'hémisphère nord. Ça, c'est bien documenté à ce niveau-là. Monsieur Payette, excusez-moi, mais au niveau de ce pergélisol-là qui fond et qui dégage du méthane, là, présentement, on est face à des enjeux. C'est-à-dire que si j'ai compris à ce moment-là, c'est que si le méthane se dégage de ce pergélisol-là, pardon, ça va se réchauffer encore plus. Et là, c'est quoi qui nous attend là, comme conséquence? Qu'est-ce qu'il y a à craindre, en fait, de ce réchauffement-là accéléré? Bon, c'est sûr que donc j'arrivais pour le méthane. Le méthane va se trouver évidemment dans des sols organiques qui ont été piégés par le gel. Okay. Donc avec le dégel, la structure du sol a été déliée et donc la décomposition s'est accélérée et donc le méthane a été libéré à l'heure actuelle. Et ça se passe surtout en Sibérie. En Sibérie, il y a beaucoup de pergélisol, est beaucoup plus important, beaucoup plus épais. Que dans le nord du Canada. Évidemment, la Sibérie, c'est un immense pays. Et puis, c'est un pays très plat, donc il y a beaucoup de matière organique. Et donc, avec la dégradation du pergélisol, donc le méthane est libéré. Et c'est un phénomène, donc, qui est comme une boucle rétroactive qui, vu que le dégel se fait, il y aura de plus en plus de méthane qui va être libéré. Et donc, ça va accélérer ce phénomène, donc, évidemment, d'émanation de méthane dans la haute atmosphère et peut-être donc forcer le réchauffement climatique de cette façon-là. Alors, c'est un phénomène majeur à l'heure actuelle. Dans le nord du Québec, c'est moins répandu. On a moins de tourbières. C'est dans des milieux humides avec beaucoup de matière organique où ce phénomène-là prévaut. Mais en Sibérie, puis dans les territoires du Nord-Ouest et au Yukon, forcément, c'est un phénomène majeur. Donc, le méthane est un facteur très important à considérer. Donc, c'est une autre cloche qui se sonne pour ce qui est de l'écologie. Alors, M. Payette, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu aussi? C'est un grand enjeu, le Nord, présentement, de notre côté, avec le plan Nord et tout ça. Est-ce que, selon vous, il y a de quoi surveiller en tant que spécialiste là, écologiste avec tout ça, le plan Nord? Oui, tout à fait. Écoutez, le plan Nord, c'est un plan... C'est un plan du Québec, du gouvernement actuel, pour développer le Nord. C'est une belle intention. On doit dire que pour l'instant, on est tous fébriles à savoir que sûrement qu'on va investir le Nord d'une manière intéressante pour la société. On ne sait pas encore de quelle façon que ça va procéder, puisque pour l'instant, ce qu'on nous annonce, c'est beaucoup plus du côté de l'entreprise privée, surtout l'extraction minière. Est-ce que ça peut avoir beaucoup de conséquences sur le territoire et sur vous, dans vos recherches, est-ce que vous avez déjà une idée de quelles conséquences ça peut avoir? Ou... Et c'est sûr que les régions minières, les sites miniers, pardon, sont quand même relativement bien connus maintenant. Il y a eu toute une période depuis les dernières années d'exploration minière. Et donc, on a identifié des gisements très intéressants, surtout ce qu'on appelle la fosse Labrador. Hein, vous savez, à partir de Schefferville, et vous allez vers le nord, nord-ouest, vers la baie d'Ongava, et jusqu'au détroit d'Hudson, vous avez la mine Raglan, c'est une mine de cuivre, par exemple, et à Schefferville, c'est une mine d'extraction du fer, du minerai de fer. Bien sûr que c'est des régions qui vont être investies encore davantage. Mais c'est sûr que l'extraction minière, c'est une extraction ponctuelle très, très localisée. Mais ça fait... pour ce qu'on connaît, du moins pour l'instant, et le fameux film que je n'ai pas visionné encore, mais que je vais certainement le voir très bientôt, celui de Desjardins, True Story. J'ai vu quelques vues là-dessus, c'est très, très impressionnant. Bien, effectivement, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que l'extraction minière a été un petit peu sauvage et il y a vraiment une dégradation de l'habitat, il n'y a aucun doute là-dessus. Il faudrait être aveugle pour dire le contraire. Et est-ce que ça va être ça? Peut-être pas. Je pense bien que notre gouvernement va être est beaucoup plus sensibilisé maintenant. On ne le sait pas comment ça va se réaliser. C'est pas parce qu'il est sensibilisé qu'il va le faire non plus. Oui, tout à fait. On verra bien. Mais ça serait intéressant que le plan Nord soit un plan social, sociétal, et pas nécessairement un plan économique. Il faut que les Autochtones, entre autres, soient pris en compte. Et je sais fort bien que les Autochtones, nos gens qui occupent le pays de manière exemplaire, qui l'ont occupé, ont été peu consultés jusqu'à maintenant. Oui. Et espérons que le premier jalon qui devrait être posé pour le développement, pour la mise en œuvre du plan Nord, ça sera donc une bonne entente avec les Autochtones là-dessus. Et l'environnement devrait être forcément... un volet fondamental à considérer dans tout ça. Oui. Monsieur Payette, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait avec vous pour cette émission. Merci beaucoup de cet éclairage et surtout ces informations qui sont, ma foi, un peu... c'est un bon coup de sonde, une bonne lumière rouge à allumer, je pense, au niveau du réchauffement climatique, qui est peut-être un peu plus critique que l'on peut nous laisser croire dans les journaux et dans la croyance populaire. Donc voilà, merci beaucoup. On rappelle que vous venez de remporter le prix Marie-Victorin des Prix du Québec. Toutes nos félicitations pour votre travail, entre autres dans l'article canadien en écologie des perturbations. Voilà l'étude de tout ce qui est ce grand territoire très méconnu. Donc on fait un petit bloc pub très rapide. Alors un grand merci à nouveau, Monsieur Payette, et on va retrouver Hugo La Tulipe dans 1 minute 30 à peu près. Question qui nous parle en direct de la Suisse, Catherine, n'est-ce pas? Oui, qui va nous parler de République, un abécédaire populaire qui est présenté au quartier en ce moment. Et voilà, merci beaucoup, Monsieur Payette. À une prochaine fois, j'espère. Merci, ça m'a fait grand plaisir. Allez, bloc pub. Le jeudi au sacrilège, c'est les jeudis chauds. Demi-finaliste en 2007, puis grand lauréat du Festival international de la chanson de Granby en 2008, Guillaume Gagnon lançait à la mi-avril un deuxième album intitulé Que du beau. Quand je te dis t'es belle, au fond je dis je t'aime. Ces chansons folk pop présentent un artiste soucieux des mots et des émotions, mais aussi du divertissement. Guillaume Gagnon, ce jeudi 10 novembre à 18h, spectacle gratuit et spéciaux sur plusieurs consommations. Les jeudis, rendez-vous au Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. À ne pas manquer en novembre à l'Ampli de Québec, le clip de présentation artistique avec Rénal Gingras, l'oreille du réalisateur avec Stéphane Rancourt, laboratoire de mise en scène avec Patrick Saussier, bourse et subvention avec Isabelle Beaubien, l'entrevue avec Monique Giroux, devis technique avec Sébastien Doré et métal avec Marc Vaillancourt. Le week-end de Bia et côté conférence, le droit d'auteur et la promotion radio avec Dominique Lalande. L'Ampli de Québec remercie la Ville de Québec pour son soutien financier, le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale, de même que ses fiers partenaires, l'Hôtel Pur, Voir Québec et CKRL 89.1. Elle est douce et coule bien en bouche. Une explosion d'agrumes qui me monte au cerveau. Elle vient seulement en grand format. Elle me donne des frissons. Avec elle, je deviens chaude. La nouvelle bière, la CKRL. Une autre façon de déguster votre radio préférée, le 89.1. Cette bière des maîtres brasseurs de la Barberie est seulement disponible à l'accommodation GD, 500 3e avenue. Mais vous pouvez aussi la déguster au bar Le Sacrilège et au bal du Lézard. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au Théâtre de la Bordée, 315 rue Saint-Joseph-Est, à la librairie Pantoute Vieux-Québec, 1100 rue Saint-Jean et Saint-Roch 286 rue Saint-Joseph-Est, et au Centre de yoga de Québec, 1355 3e avenue Limoilou. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être pire. Avec la fausse patte, pardon, CKRL 89.1, on vient de quitter M. Serge Payette, titulaire de la chaire en recherche nordique à l'Université Laval, récipiendaire d'un prix du Québec, qui nous parlait de réchauffement climatique. Et là, présentement, on est en onde directement de la Suisse avec M. Hugo Latulippe, cinéaste. Bonjour, Hugo. Ça va bien? Oui, ça va. Oui, oui. Mais un grand merci, Hugo, de l'attente et de tout. Là. Je sais que c'est une heure très tardive du côté de l'Europe présentement, donc c'est très, très sympathique d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'entendais les pubs de Québec, puis moi, je viens de Québec, ça fait longtemps que je suis parti, mais j'avais l'impression de me replonger dans ma ville natale, ça me fait du bien. J'écoute CKRL depuis que je suis tout petit, moi. Ouais, c'est super. Et Hugo Latulippe, rapidement, Hugo s'est fait connaître d'abord en 95 avec la course Destination au monde. Moi, j'étais un grand fan, François Prévost de Montmagny, que je connaissais un petit peu, il participait. Et là, en fait, je me souviens que tu as obtenu une note parfaite, je me souviens, pour ton film de clôture à cette édition-là, qui comptait aussi François Parenteau et Ricardo Troggi. C'était une grosse année. Bacon, le film, après ça, est tombé sur fait grand éclat dans la société québécoise. Il y a aussi Ce qu'il reste de nous sur les Inuits. Les Inuits, c'est bien ça? C'est pas le Tibet, c'est le génocide tibétain. Ouais, c'est ça. Il y a des ressemblances, remarque. Oui, tout à fait. C'est même physique. C'est pas la même façon, mais c'est un peu le même phénomène. Alors voilà, Catherine, je te laisse diriger l'entrevue. Oui, je suis allée voir ton film République en abécédaire populaire, un film qui retourne le cynisme ambiant comme une vieille chaussette, si j'ose dire. Puis il est temps, juste pour que le monde sache de quoi je parle, c'est le film dont tout le monde parle en ce moment sur Facebook. Il est au quartier en ce moment à 19h jusqu'au 17 novembre. Fait que vous avez encore le temps d'aller le voir, mais pas tant de temps que ça non plus. Puis juste pour dire à nos auditeurs un peu, il y avait dedans. En fait, c'est 53 leaders d'opinion qui s'expriment dans le film, dans un montage super beau, artistique, vraiment joli, avec de la poésie très, très fracassante dedans. Serge Bouchard, le très coloré Serge Bouchard, l'anthropologue, parle, Pierre Curzi, Stephen Guilbeault, Dominique Champagne, Luc Ferrandez, le maire du plateau, Christian Vanasse, des apartistes et plein, plein d'autres. Le quartier en parle comme un film qui redonne aux rêves ses lettres de noblesse. Moi, j'ai vu ce film-là, Hugo, puis j'avais envie à chaque 10 minutes de remercier ceux qui étaient dans le film, mais surtout ceux qui étaient les instigateurs de ce film-là, parce que c'est comme s'ils libéraient une parole qui avait été périe dans le sol, dans un sol gelé, pour revenir à notre pergélisol de tantôt, depuis trop longtemps. Puis je me demandais, à la base, presque émotivement, qui t'a motivé à partir ça? Ben, t'as raison d'amener ça de cette façon-là, parce que c'est vrai que ça part des sentiments. Moi, c'est comme ça que je travaille. J'ai beaucoup de difficultés avec la pauvreté du langage, qu'on emploie à la surface des choses dans la vie quotidienne, c'est-à-dire dans nos médias, sur nos places publiques, actuellement au Québec. Puis en particulier quand on parle du politique, de l'organisation de notre société, je trouve qu'il y a une pauvreté, une vraie pauvreté de langage, de mots, une pauvreté d'idées aussi. Puis cette pauvreté-là, on la retrouve pas à la base de la société, dans l'organisation de tous les jours, du quotidien, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans la rue, dans nos organisations sociales et communautaires, puis Dieu sait que le Québec est fort là-dedans. La grande richesse du Québec, pour moi, ce sont les gens, ce sont les humains, puis leur capacité à interagir. Cette richesse-là qu'on retrouve dans notre monde, dans notre société, à nous, j'ai l'impression qu'elle remonte pas suffisamment à la surface des choses, donc, dans les médias, sur notre place publique. Fait que c'est ma subversion à moi, c'est ça que le cinéma documentaire permet, c'est de mettre en scène cette parole-là, d'aller la chasser, d'aller l'organiser, puis de la repitcher dans l'espace public. Donc ce film-là, c'est ça. C'est des gens qu'on connaît, hein. Il y a plein de gens qu'on connaît, puis dont on connaît les combats aussi, mais je pense d'une certaine façon, il faut pas se fier à ça, il faut pas s'arrêter à ça. Dans les journaux, il a beaucoup été dit que c'était un film de gauche ou de centre-gauche. Puis je pense, en toute humilité, là, que c'est beaucoup plus que ça. Oui, bien. C'est aussi un grand moment de parole, ce film-là. Ah, je suis d'accord avec toi, mais aussi, c'est qu'on finit par avoir peur des catégorisations à cause de la manière dont elles sont utilisées, justement, dans l'espace public. T'sais, on va dire « Ah, c'est de gauche », mais ça ne veut pas juste dire « Ah, c'est de gauche ». C'est comme si de dire « Ah, c'est de gauche », l'action de catégorisation qu'on fait en disant ça, c'est déjà péjoratif. C'est comme pour dire « On connaît déjà toute cette pensée-là, puis ça amène rien de nouveau. » Mais dans le fond, c'est ça. Ce que j'ai aimé dans ton film, puis si tu nous en parles un peu plus, ça me ferait bien plaisir, c'est que la parole était tellement rafraîchissante là, que oui, moi je suis d'accord avec certains chroniqueurs pour dire que c'est une parole qu'on pourrait qualifier d'être de gauche, mais comme tu dis, c'est beaucoup plus que ça. Puis j'ai l'impression que tu es allé chercher ce qui était le plus frais dans la parole de ces gens-là. Est-ce que je me trompe? Ben c'est ça que moi, j'étais à la chasse au souffle, tu sais. J'ai passé 1h15 ou 1h30 avec chacune des 53 personnes là, qui sont venues devant la caméra à jaser. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était pas... J'avais au départ des idées qui étaient de l'ordre de la théorie politique, tu sais. J'avais un agenda, puisque c'était un abécédaire, j'avais 26 thèmes ou 26 idées sur lesquelles j'avais envie de lancer les gens. Il y en a une partie qui sont tombées, mais étrangement, à peu près les 26 sont restées, sont demeurées, sont rentrées par d'autres portes souvent, mais sont restées dans le projet. Mais au-delà de ça, ce que je cherchais, c'était le souffle des gens et les moments de souffle. Donc, tu sais, il y a un côté art plastique dans mon travail, moi, qui est donc pas de l'ordre du travail universitaire, où tu dis, ben je veux puncher 26 thèmes, mais qui est de l'ordre de chercher du matériau qui soit plein de souffle, plein de vie, plein d'invention. Oui, plein de cette fraîcheur-là, justement, qui fait que tout à coup, on écoute, c'est plus les mêmes affaires qui sont ramenées. Parce que souvent, on a l'impression que le débat public est divisé en tout le temps d'une façon dichotomique, en deux sets d'arguments qu'on connaît déjà, puis qu'on est tanné d'entendre. Puis bon. Alors que ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est plus justement, il n'y a pas juste le côté universitaire argumentaire, il y a aussi on dirait que c'est un élan du cœur. Moi, j'ai senti dessous ça, que les gens qui étaient à l'origine de ce film-là avaient mis beaucoup de cœur dedans. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a rien qui peut faire plus plaisir que ça. Tu sais, souvent, je me retrouve dans des contextes avec des journalistes, c'est drôle, où on parle de choses qui sont froides, finalement. On parle du film dans des termes qui sont froids, qui sont théoriques, qui sont platement les thèmes, les sujets. Mais il s'agit pas de ça, tu sais. Puis Mon plus grand cadeau, ben, c'est qu'on en parle de cette façon-là, puis c'est aussi, au-delà de ça, des messages que je reçois sur Facebook ou par courriel, là, qu'on reçoit chez Spermosfilm, jour après jour, de gens qui me disent « La salle n'était pas nécessairement pleine, encore qu'il y en a qui sont pleines parfois, mais les gens applaudissaient périodiquement durant le film. » Ah oui, puis ça s'exprime vocalement. Là. Moi, quand je suis allée, il y avait des éclats de rire, c'était mieux qu'au théâtre. Là. Ben, ça, c'est extraordinaire. C'est tellement que nous autres, on l'a vu là, dans des salles de 3, 4, puis 800 personnes là, à Montréal dans les dernières semaines. Puis on s'est dit, ça va nous prendre une copie Big Room, tu sais, avec des espaces pour laisser applaudir, parce que le monde, plus ils sont nombreux, plus tu perds finalement la prochaine personne qui va parler. Fait que là, on s'est dit, il va falloir trouver une solution pour ça. C'est assez comique. T'sais, moi, j'ai jamais vu ça au cinéma. Les gens qui applaudissent en plein milieu, qui rient, oui, mais enfin, tellement réactifs dans les salles. Puis Michel Savoie du Cinéma Quartier à Québec me disait aujourd'hui là, par courriel que ça continue. Les gens, les portiers, ça demande tout le temps ce qui se passe. Ça applaudit en dedans. C'est extraordinaire. Ah oui. T'avais une question, Christian? Oui, écoute, Hugo, dans le... J'ai juste le teaser en tête, mais c'est pas le bon mot, là. Mais ouais, dans la bande-annonce, voilà, du film, on parle tout de suite, dès le départ, du 2 mai 2011, comme une date, comme butoir, une date importante, majeure, dans le processus de réflexion. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Est-ce que tu considères que l'élection du Parti conservateur et l'isolement du Québec au niveau politique est vraiment... va marquer l'histoire, un virement dans peut-être au niveau société, au niveau philosophique au Québec. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Quelle est ta vision de ça? Pourquoi avoir parlé de cette date-là comme étant si importante? Ben, je pense que c'est un choc, cette date-là. Je pense que c'est un choc dans deux sens, parce que la majorité des Canadiens, ça veut dire plus que 50% des gens hors Québec, ont voté pour un parti. Et le Québec a voté à majorité, là, je ne sais pas les chiffres, là, à 83% contre. Pour un parti, ben 83 contre, puis ensuite, pour un parti, on a élu majoritairement sur notre territoire un parti qui est à l'opposé idéologique complètement. Bon, c'est pas la première fois au Québec non plus qu'on fait ce genre de choses-là, tu sais, qu'on produit ce genre de résultat électoral, mais cette fracture-là, elle est tellement surprenante en même temps, parce que ce parti pour lequel on a voté, c'est nouveau pour nous, là, aussi radicalement. Puis de l'autre bord aussi, c'est nouveau parce que là, les conservateurs sont majoritaires. Fait, donc, mai 2011, pour moi, c'est une fracture importante. Il faut la nommer, il faut en prendre acte. Puis, je dirais, comme un effet miroir, je pense qu'il faut regarder d'autres moments de notre histoire qui ont été des basculements, des fractures. Puis je pense à 1976, 15 novembre 1976, ça a été une fracture dans l'histoire du Québec parce que on a élu tout à coup un parti qui est extrêmement jeune, avec des gens extrêmement inexpérimentés, mais terriblement lettrés et compétents. C'est probablement le gouvernement de toute l'histoire du Québec le plus compétent. L'équipe de rêve, qu'on a élu. Ouais. On l'a surnommé l'équipe de rêve, d'ailleurs. Et qui a concrétisé la transformation du Québec, là, qui est un peu le climax de la Révolution tranquille, moi je le vois comme ça, mais qui a concrètement aussi imprimé une nouvelle vision de ce pays-là, de ce qu'on est, de cette société-là. Moi, je pense qu'on approche de ce nouveau basculement-là. Je le pense vraiment. Parce que est-ce qu'on aurait touché le fond avec le 2 mai, là, dans tout ce modèle de fédéralisme renouvelé et de tout ce bon, de toute cette discussion-là, est-ce qu'on aurait touché le fond de cette option-là pour rebâtir et revenir plus fort, ressurgir dans nos centres, peut-être, je sais pas. Oui, je pense que oui. Puis le film, on utilise un moment symbolique qui est le 1er janvier 1994 dans le film, qui est l'arrivée des apatistes au Chiapas, l'arrivée des apatistes sur la place publique mondiale, et ce moment est le début de l'altermondialisme. Non, on s'entend pour dire que c'est le début de la grande discussion altermondialiste. Toute cette période-là, entre le 1er janvier 1994 et aujourd'hui, puisqu'on est des êtres mondialisés, puisque nous, Québécois, nous sommes un peuple, et notre génération particulièrement, nous sommes des gens qui vivons sur la planète Terre, je pense que on arrive à la fin de cette période de transformation et de bouillonnement et de réflexion, et qu'on va voir subitement une transformation rapide. Moi, je crois à ça. Un basculement rapide et surprenant. Moi aussi, je crois à ça. Je ne sais pas si c'est une espèce de sixième sens qui fait qu'on a l'impression de sentir arriver la chose de loin, comme les rats quand le bateau va couler, mais je me demande, il y a aussi, je pense que, tu sais, il y a l'élection, il y a toutes sortes de choses qui sont arrivées, mais il y a aussi une morosité ambiante, puis un poids qui est très difficile à définir, puis que dans ton film, on sent que les gens essaient de le circonscrire, essaient de le définir. Un poids, je ne sais pas si on pourrait l'appeler social ou justement ce dont tu parlais tantôt, sur la place publique, tout ce qui a trait à la collectivité québécoise, tout ce qui se passe sur la place publique en ce moment, on a depuis longtemps l'habitude de, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, mais chier dessus. T'sais, on fait « Ah non, le Québec, c'est ici, le Québec, c'est ça. » Puis c'est comme un endroit qu'on trouve pas beau. Puis cette affaire-là, commune, collective. Puis j'ai l'impression que ça a peut-être rapport avec ce que tu décrivais tantôt, la pauvreté de langage dans l'espace public qui n'est pas là dans l'espace privé. Comment on pourrait faire, d'après toi, pour sortir de ça, pour faire que tout ce qui se passe, tout ce qui bouillonne en dessous des médias, en dessous de ce qu'on appelle les places publiques là, au Québec, tout ce qui bouillonne, tout ce qui se parle, tous les désirs, les rêves qui existent, qu'on partage, comment on fait pour faire lever ça au-dessus de la surface? Ben, à une autre époque, dans les 60-70, les artistes ont joué un grand rôle dans la transformation, dans la conscience des Québécois d'eux-mêmes, puis des possibles, des rêves, des imaginaires possibles. Je pense que les artistes ont un grand rôle à jouer, oui, mais ils ont aussi leurs limites. C'est pas seulement avec des artistes qu'on construit une société. Mais les artistes peuvent se permettre de regarder la réalité d'une manière oblique, joyeuse, étonnamment joyeuse ou étonnamment subversive. C'est à ça qu'ils servent les artistes. Ils servent à accélérer les conditions gagnantes du basculement. Oui, c'est vrai. Mais je pense aussi qu'il faut savoir regarder aux bons endroits. On dit beaucoup dans les dernières années que les grands médias, les médias de masse, sont de moins en moins fidèles à ce qui se passe vraiment dans notre société, qui sont orientés, qui sont possédés par des intérêts, puis c'est vrai. Alors, l'altermondialisme, encore une fois, a amené cette diversité des points de vue, cette fracture de tous les points de vue, a permis au prisme de tous les possibles d'exister dans un espace qui est l'altermondialisme, les sommets mondiaux, etc., mais aussi, plus loin que ça, dans tout ce qui constitue notre quotidien à nous, les jeunes générations, les gens qui sont ados, les vingtenaires, les trentenaires, même les quarantenaires, tu sais, on est beaucoup dans d'autres sortes de médias, d'autres manières de communiquer, oui. Et d'autres sortes de réseaux. Ça, je pense qu'il faut, puis c'était ça l'idée du film, c'était d'aller chasser la parole et la magie là où elle est. Tu sais. Oui. Elle n'est pas à la surface, elle est en dessous. Mais elle est généralisée puis elle va remonter. Donc, c'est un peu un acte de foi. On se dit, il y a peut-être pas, peut-être qu'il faut laisser aller ces nouveaux changements-là qui sont déjà là par les réseaux sociaux, puis les laisser émerger à leur rythme. À un moment donné, ils vont arriver, puis Il faut voir qu'ils existent. Tu sais, le Québec a une histoire, par exemple, d'économie sociale forte, tu sais, d'économie coopérative forte. Il faut être capable de voir ça, de reconnaître ça. Le Québec a une capacité d'inventer des modèles sociaux, des modèles économiques, des modèles culturels qui sont réels, qui existent. Oui. Il faut être capable de regarder nos forces, tu sais. Ouais, ouais, puis de les reconnaître aussi comme des forces au lieu de se concentrer sur ce sur quoi le débat, ben, mettons, mainstream public en ce moment se concentre, c'est-à-dire les côtés négatifs. Les platitudes de François Legault. Vraiment. Du monsieur Sirois à côté, puis de tout ce monde gris et beige qui nous intéresse pas. Ils jouent pas notre tune, ce monde-là. Est-ce que, Hugo, j'aimerais t'entendre un petit peu, ça défrait les manchettes beaucoup, surtout nous ici à Québec. Il y a un bras de fer très fort qui a été lancé entre la mairie de Québec et ici que les insurgés, les indignés qui sont dans le parc Saint-Roch. T'as-tu, j'imagine que tu es un peu au courant de toute cette histoire-là. Et t'en penses quoi de tout ça, toi, ce phénomène-là qui se manifeste là à travers ces revendications et ces revendicateurs-là que l'on retrouve dans les parcs de Québec et Montréal? Ben, j'ai pas suivi le détail là, des derniers jours à Québec. Je sais un peu ce qui se passe, mais ma lecture de ça, c'est que c'est juste une continuité de ces tremblements que j'exprime, qui sont assez généralisés dans notre société, tu sais, où on dit il y a plein de choses qui vont pas. Cette façon d'aborder la vie et tous les détails de notre vie avec une perspective marchande, par exemple, ça fonctionne pas. On atteint les limites de ça. Donc, c'est beaucoup les jeunes qui sont dans les rues des grandes villes de partout dans le monde, tu sais, puis c'est normal, c'est très très bien, c'est par eux que les premiers symptômes des failles arrivent. En 68, c'était beaucoup les jeunes qui étaient dans la rue, puis encore aujourd'hui, les jeunes, ils disent quelque chose en ce moment. C'est pas juste les jeunes, ils parlent pour nous, ils sont là pour nous. Ils sont en train d'exprimer un malaise de société, une crise de société, la société occidentale. Puis leur message, même si pris individuellement, peut être maladroit, pas exactement ça, pas exactement ce qu'on ressent, nous, moi, généralement, ils expriment un malaise qui est extrêmement important à voir. Oui, puis dans les, ce qui est très intéressant aussi dans ton film, Hugo, on voit les gens qui parlent expriment un malaise, puis à additionner, ils finissent par former une espèce de comme je disais tantôt, ils circonscrivent ce malaise-là sous plusieurs façons de l'expliquer, plusieurs mots, mais ça finit par être quelque chose qu'on... Ça met vraiment le doigt sur c'est quoi ça, sans pouvoir évidemment mettre un seul mot dessus et dire voilà le problème, mais ça arrive à le circonscrire. Puis je pense que je parlais aux gens qui sont allés voir le film aussi, puis tout le monde a l'impression de bien reconnaître. Là, on sait de quoi ça parle, on le ressent tous. Très difficile à exprimer en une courte phrase, mais on ressent ce malaise-là. Puis quand le film le démontre, là, ça, on le reconnaît, on sait de quoi ça parle. Fait que... ouais, on reconnaît ce malaise-là, puis en même temps, je pense qu'on reconnaît aussi, comme dimanche passé, quand Fred Pellerin s'est avancé pour faire un hommage à Gilles Vigneault. Oh boy. Et puis qu'il tremblait, oui. comme une feuille, comme je l'ai rarement vu trembler. Fred, sur une scène, lui qui a tant d'expérience sur une scène, c'est parce que ce qu'il s'apprêtait à faire, c'est jouer notre tonne à nous autres. Ah, oh, c'est bien dit. La qu'on connaît. La tonne qui est nous. Ouais, il était proche lui-même d'être au moment où il n'y aurait plus rien à chanter tellement tout serait en état de dit. Et ce qui était... Il savait qu'il allait jouer cette corde-là, tu sais, puis je veux dire, on répond à cette corde-là. C'est une corde qui est nous, puis qu'on veut être, à laquelle on veut ressembler. On veut la jouer, cette tonne-là, nous autres aussi. On veut être encore ce dont on a rêvé, puis on veut rêver encore. C'est que... Il y a ça aussi, je pense, j'espère, dans le film, il y a un peu de dérision dans le film, on rit dans ce film-là aussi, il y a notre humour aussi, notre manière de rire de nous autres, de pas trop se prendre au sérieux, puis en même temps de dire « tabarnak, ça peut plus fonctionner de même ». Quand Christian Lanas dit « si on n'arrête pas d'évaluer la démocratie chez nous, puis de dire « ça marche pas, puis on n'y croit pas », etc., ben les gars qu'on envoie tuer d'autres mondes ailleurs, dans d'autres pays, pour supposément défendre la démocratie, ben amène-les ici, ces gars-là, là, tu sais, on est capable de le faire chez nous, puis on y croit pas. Voyons donc pourquoi qu'on irait tuer du monde ailleurs. Ouais. Pour ça. Puis ce qui fait aussi énormément plaisir à voir, c'est qu'on réalise tous ensemble que tu dis, ils jouent notre toune, tu sais, c'est qu'on réalise que cette toune-là existe, qu'il y en a une qui nous fait vibrer, il y en a une qui nous parle à tous, puis ça fait longtemps qu'on nous dit ou qu'on nous suggère ou qu'on entend ou qu'on a l'impression que c'est pas important, que ça vaut pas la peine, que ça existe pas, puis ça, c'est extrêmement, je pense, c'est la chose qui met le plus de bonne humeur en sortant ce film-là, c'est ça, c'est qu'on réalise qu'il y a une corde commune qui existe. Et si je peux rajouter sur l'exemple de Fred Pellerin, moi, ce qui m'a frappé, Hugo, c'est que tu dis, lui, il était fébrile. Et là, moi, quand je l'ai vu se lancer, et là, que Catherine Major prenait la relève, je me dis, OK, ça y est. Et on se rend compte que c'est la jeunesse en tant que telle, la génération qui prend possession présentement du Québec, qui est encore fébrile à ce rêve-là. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'après, on a vu quelques anciens, hein, des anciennes figures d'une époque dont on rêve encore, et je les ai trouvés, moi, fatigués, hein, je les ai trouvés, Robert Charlebois, qui a la difficulté à chanter la chanson de son ami Vigneault, je trouve que le clash était évident à ce moment-là entre les deux générations, et moi, ça me réconforte que le message d'espoir, cette fébrilité-là, la corde, la toune était maintenant jouée par cette nouvelle génération d'artistes qui prend possession du Québec présentement. Pour moi, ça c'est un signe indéniable d'un espoir qui est maintenant parmi nous. Il y a ça, c'est très important ce que tu dis, parce que je pense que jusqu'à maintenant, on a beaucoup dit des baby-boomers, puis même des gens encore plus vieux, qui dirigent encore le Québec aujourd'hui, concrètement, toutes nos institutions, la politique, la surface des choses, c'est eux qui la contrôlent. On a critiqué ça, puis on peut le faire, c'est correct, mais je pense que maintenant, il faut aussi regarder dans notre champ à nous autres, il faut la prendre la place maintenant. Puis on l'apprend pas encore suffisamment. Moi, ça, quand je parle du basculement, je pense à ça aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de générationnel. À un moment donné, il faut arrêter d'être paralysé par la magie de la Révolution tranquille, puis des 70, puis de la construction du Parti québécois. Il faut inventer notre époque à nous. Oui, la Révolution tranquille, ça peut arriver encore, ça peut être la nôtre. On peut la poursuivre, on peut la refaire, on peut faire autre chose. Oui, c'est ça. On y donnera une autre fois. Ben oui, c'est ça. Hey, Hugo La Tulipe, merci beaucoup aux auditeurs qui auront accroché à ces superbes paroles. C'est, faut absolument que vous ayez voir République, un abécédaire populaire, excusez, un film qui est présenté au cinéma Cartier à 19h jusqu'au 17 novembre. Fait que exponentiellement, les salles se remplissent. Fait qu'allez-y. Et Catherine Hugo, moi j'ai un petit compliment, j'ai entendu dans l'air que ce film était une sorte de refus global. Alors en espérant, je te souhaite et je nous souhaite tous qu'il aura le même type d'influence sur la suite des choses. Alors merci beaucoup pour cette œuvre formidable. Merci à vous deux, puis allez au cinéma les gens de Québec. Oui, on en a bien besoin. Alors, bonne nuit là-dessus parce qu'il est très tard de ton côté, donc porte-toi bien et puis bonne chance avec la suite des choses. Merci encore. Salut. Bye. Alors Hugo La Tulipe, hein, cinéaste pamphlétaire qui nous parlait de voilà, République abécédaire populaire. Un abécédaire populaire. Un abécédaire populaire. Merci beaucoup d'avoir dirigé cette entrevue, Catherine. Et nous, on doit y aller dans un bloc pub. Et tout de suite après, bloc musique, toujours. On a parlé des Autochtones tout à l'heure. On s'envoie Samian, Fred Fortin et Jean Leloup pour terminer le tout. Montcalm, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, l'ancienne Lorraine. N'attends plus. Duchesse, lise-toi. Nouveauté cette année, il y aura un Duchesse. Mesdames et messieurs, de 18 à 100 ans, rendez-vous à Revengeance Duchesse avec un S.com et remplissez le questionnaire de devenir Duchesse. 4 limites, 18 novembre. La Revengeance des Duchesses 2012, ce sera la fin du monde. Tu es vraiment infernal. Par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui. C'est l'opineur du chef. Les jeudis soirs, 20h, Denis Barry. 33, 41, 18. Par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60 à aujourd'hui. C'est l'opineur du chef. Les jeudis soirs, 20h, Denis Barry. 33, 41, 18. Influencé par les courants musicaux et les grands bouleversements américains et britanniques des années 60. Un cadavre exquis musical. Voilà ce qui est né de l'union des Tontons Flingueurs et de l'Homme Scalp. Les Tontons Scalpeurs avec Jean-Philippe Boisbriand, Claude Brindamour et Michel Marcoux. Mercredi, 20h30. Seulement au 89.1. Mes ancêtres ont fait leur pack sac pacifiquement sur l'année canard en retournant du Canada. Samian au colocat, si était temps d'union se fasse. Qu'on remonte la vraie histoire pour qu'on puisse y faire face. On veut mettre un point entre les nations, confondre la culture, ignorer les préjugés, laisser parler la nature. La barrière entre les peuples, on veut plus la casser. On en a plus cassé, on est placé pour parler. On remonte le top dans le pantalon Christophe Colomb qui découvre l'Amérique et tous ces peuples qui y avaient. On était pacifiques. Et encore même aujourd'hui, un homme blanc sur l'Atlantique qui rêvait de faire son pays. On fume le calumet de paix sans rancune. On est capable de rester vrai même si on porte plus de plume. L'union de nations, freine l'ignorance. Pousse les connaissances avec un peu de reconnaissance. Mon histoire et la tienne, ça fait deux. Je fais partie de deux peuples, donc je finirai comme l'un d'eux. Hashtag Costa la connaît, on est rare quand va parce qu'cette année on a décidé de se métisser parce qu'on a retissé l'alliance en Nouvelle-France entre autochtones et francophones. Mama, où tu es, Béhima, Eiji, Machka, Ouziak, Machka, Ouziak, Raouya, Gouyak, Raouya, Gouyak, Kemba, Gouziak, Stambelos.

réveil, je peux voir les étoiles. Je me demande que c'est que ça fait de mourir. J'y pense pas trop, ça me lève le poil. La lune que je voyais est déjà morte. Ouais, je suis pareil, sauf je suis vivant. Je me laisse aller en quelque sorte. Je me compte des peurs en attendant. Les gens qui ont tout espéré. Alors nous voici de retour en studio, directement de CKRL, en compagnie de Catherine Dorion. Et voilà, on a parlé juste avant la pause avec Hugo Latulippe de l'abécédaire d'un peuple, le film République. On a entendu dans le bloc musical, eh bien, c'était Samian, La Paix des Braves, featuring Loco Locas. Fred Fortin, Chaouin, pour finir, une belle chanson d'espoir. Moi, je trouve Le Dôme, une espèce d'utopie tirée de l'album du même nom, c'est-à-dire Jean Leloup. Donc, en toute fin d'émission, depuis quelques semaines, on suit de près ce qui se passe avec les mouvements Occupons Wall Street, Occupons Montréal et surtout Occupons Québec, en directement du Parc Saint-Roch. On a un monsieur avec nous, un porte-parole qui est avec nous en studio. Alors, mon cher monsieur, présentez-vous rapidement. Et vous êtes ici. Et c'est drôle parce que ton nom m'échappe, c'est drôle. Sébastien, c'est bien ça? Non, merde. Alexandre. Alexandre. Ah, excusez-moi, c'est un blanc de mémoire, j'ai une crampe au cerveau. Il n'y a pas de problème. Alors, Alexandre, t'es de retour avec nous. Tu milites auprès du mouvement Occupons, activement auprès du mouvement Occupons Québec. On fait un bref historique. Première assemblée qui a eu lieu le 15 octobre. Le 22 octobre, on est débarqué au Parc Saint-Roch pour occuper le parc. Moi, quand je suis passé, il y a à peu près une dizaine de jours, le samedi soir, ça allait bien. En fait, il y avait collaboration de la ville. Le maire Labeaume avait accepté de vous prêter des génératrices pour l'hiver. Dans la semaine qui a suivi, la radio X, entre autres, avec Morel Live, s'en est mêlée. Volte-face au niveau de la mairie de Québec. Là, tout d'un coup, ça fonctionnait plus. Présentement, vous êtes un peu victime de la stratégie du siège médiéval, c'est-à-dire qu'on y va à l'usure. Ah, littéralement, c'est ça. C'est vraiment... Le mouvement est actuellement assiégé. Là. Voilà, et on vous enlève tout ce qui est chauffage, de commodités. À chaque fois qu'on peut avoir un pépin, on y va. Et là, vous avez demandé de négocier directement avec le maire lui-même. Il a toujours refusé de vous rencontrer. Et là, vous avez décidé de vous présenter au conseil de ville il y a deux jours, lundi soir. Donc, tu es ici pour nous raconter un peu ce qui s'est passé. Alors, vas-y, le micro est à toi. Donc, c'est ça. Nous, on insiste sur le fait qu'on veut absolument se conformer aux législations, aux réglementations. On n'est pas des criminels. On n'est pas des gens subversifs. On veut que notre message soit entendu. On a constamment sollicité le maire pour discuter, pour expliquer notre point de vue, puis entamer des négociations pour essayer de trouver un terrain d'entente qui pourrait, tu sais, convenir à tout le monde. Le problème, c'est qu'il a toujours refusé. Donc, nous, en tant que citoyens, on a fait ce qu'on voulait, s'adresser au maire. Donc, on s'est rendu à lui. Et c'était une soirée, somme toute, assez rocambolesque. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous donc ça. Bien, on est arrivé, en général, selon les employés municipaux qui travaillent là, avec qui j'ai discuté, parce que c'était très long, on avait beaucoup de temps à tuer. Il y a entre 15 et 20 personnes, en général, des citoyens, qui se présentent pour s'adresser au conseil municipal. Par jour? Par conseil, parce que c'est aux deux semaines, okay. c'est le lundi aux deux semaines. Et puis, ce jour-là, spécifiquement, il y avait 94 personnes qui étaient là. Donc, c'est, vous ferez le calcul, c'est une multiplication de. Il y avait un autre groupe qui était là concernant un projet immobilier dans Charlebourg. Puis sinon, c'était que nous. Et puis, on a complètement accaparé les périodes de questions. Ce qui est déplorable, c'est que... puis en passant, je tiens à mentionner, on a eu droit à une aide d'honneur. C'était fantastique. Il y avait... Moi, j'ai compté au moins 12 policiers différents qui étaient tout le long du chemin entre l'entrée et la salle du conseil. Il y avait des policiers partout. Mon Dieu, démonstration de force constabulaire. Oh oui, bien, c'est une tactique d'intimidation. On commence à être habitué, là. Constabulaire, tu connais des beaux adjectifs, Christian? Merci. Donc, quand est venu le temps de la période de questions, il y a eu la période d'intervention des élus, où tous les élus qui ont parlé ont prononcé le mot indigné, d'une façon ou d'une autre, et ils ont tous essayé de récupérer ça à leur avantage politique. Évidemment. C'était assez pathétique à voir. Et le maire qui... Dans le fond, lui, il a parti sa cassette. Je ne sais pas s'il est inspiré des radios poubelles, si c'est son équipe de PR, mais nous, on fait du camping, semble-t-il. C'est sûr que, écoute, ses alliés naturels dans le domaine de l'amphithéâtre, c'est ces radios-là. Donc, c'est certain qu'il va récupérer le vocabulaire, n'est-ce pas? Oui, puis on a vraiment une belle démonstration de politique à l'état pur. Il martelait le message. Camping, camping, camping. Non, tu n'as pas compris. On est des citoyens. C'est un espace public. Et on se l'accapare, on le prend, on le reprend. C'est symbolique. Ça, c'est à nous, on le prend. Les autres choses... C'est pas du loisir, là. Mais non, certainement pas avec les conditions qu'ils nous imposent et le harcèlement dont on est victime. On prend ce qui nous appartient, puis les autres choses que vous nous avez pris, on va également aller les chercher. On s'en vient, là. on n'arrêtera pas, on lâchera pas. Qu'est-ce que vous voulez dire les autres choses que vous nous avez prises? Je pense qu'on peut généralement admettre que les ressources naturelles sont bradées. Et ce sont les nôtres. Notre trésor public est spolié. C'est juste comme un message au gouvernement en général. Non au pas gouvernement, juste à la aux entreprises. Non, c'est le mouvement d'indignation qui est très réel, qui est partout dans le monde, sur 5 continents, dans 87 pays. Il y en a qui se rajoutent à tous les jours. C'est une indignation face à la situation générale. Parce que si tu regardes objectivement la situation, même les radios poubelles disent qu'il y a un problème. Ça ne marche pas. Tout le monde est d'accord là-dessus. La question, c'est comment le solutionner. Nous, on prône une démarche citoyenne, une démarche démocratique. Il y en a qui prônent d'autres choses, c'est leur droit. Donc, à ce niveau-là, au niveau des revendications, en fait, moi, ce que je veux démystifier aussi avec toi, ce qui me trouve aberrant, c'est les fameux préjugés qui sont véhiculés sur vous. Bon, moi, je sors du garde-robe aujourd'hui, je porte une... presque une haine à un certain Éric Duhaime que l'on entend sur plusieurs AV, entre autres avec Dumont, là, sur LCN, même Martineau lui donne de la place. Donc, je trouve qu'il parle de clochard, il parle que... Oui, il dénonce le fait que Morin avait le même discours aussi, que vous monopolisez les denrées. Et Joseph Facal également. C'est ça, et vous... Oh, mon Dieu, pauvre monsieur Facal. Morin disait qu'il n'y avait personne le premier du mois parce que tout le monde était parti chercher son chèque de BS, puis que c'est des gens qui n'avaient pas d'amis qui se ramassaient là. Exactement, et que là, vous volez les denrées alimentaires des pauvres, et que là, que l'espace qui doit être utilisé par les sans-abri qui en ont vraiment besoin, là, vous prenez cet espace-là et qu'ils ne s'en servent pas. Et moi, c'est le contraire. J'ai vu le groupement donner de la pizza, par exemple, à un groupe de jeunes adolescents qui passaient par là. Oui, de la pizza, oui, venez manger, un partage. Et des sans-abri qui sont hébergés dans les tentes avec des couvertures du mouvement. Donc, c'est complètement le contraire de ce qui se passe. C'est que le lieu est bonifié grâce aux gens d'Occupons Québec. Il y a des gens qui se présentent sur place, des jeunes qui... viennent ici, ils mangent, puis on jase avec eux autres, c'est correct. Ils sont peut-être pas nécessairement, sollicités par le mouvement, mais tant qu'à ça, nous, on assure une sécurité, on a des vigies. Donc, au lieu qu'ils traînent dans les rues, ils viennent nous voir. Donc, déjà là, ils sont pas mal plus en sécurité que traîner dans les ruelles, déjà. Mais c'est pas ça, évidemment, c'est pas ça le but, là. Mais ça doit être difficile, en fait, de faire la différence, hein, parce que s'il y a des gens qui sont... Bon, comme vous disiez, ils ne sont pas nécessairement concernés par le mouvement, mais on n'est pas pour dire non plus, ben là, si vous vous en foutez, venez pas. C'est quand même... Comment vous gérez un peu ce problème, entre guillemets, là? Ben, c'est pas vraiment un problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'occupation qui est à la place de l'Université du Québec, hein, non pas au Parc Saint-Roch, là, c'est la place de l'Université du Québec. C'est bon, et le nom est symbolique, c'est une raison, là. Tout le monde est bienvenu, sans aucune exception. Vous êtes d'accord, venez nous jaser avec nous autres. Vous n'êtes pas d'accord, venez jaser avec nous autres, venez discuter. On est un espace de discussion, un espace démocratique, inclusif. C'est non violent. Il n'y a aucun alcool qui rentre sur le site. Il n'y a pas de drogue qui est tolérée sur le site. On fume à l'extérieur du site. On le garde propre, on le nettoie, on passe le balai, on ramasse les feuilles, on entretient l'espace. Vous êtes comme un gros mur Facebook, mais dans la vraie vie. Ah! Si on veut, c'est une façon de représenter les choses. Alexandre, excusez-moi, l'heure avance encore une fois, c'est toujours le problème qu'on a ici à la fausse patte. C'est que, OK, et là, vous êtes arrivé avec une demande bien particulière qui a un peu surpris le maire, je pense, hier. Et quelle est-elle rapidement et en quoi ça apporte une avancée dans votre cause? Tu parles de la pétition? Exactement, de la pétition dans l'espace public. C'est qu'à Londres, il y a un endroit dans le Hyde Park qui est présent où les citoyens peuvent s'adresser à la foule. C'est un lieu de discussion, d'échange démocratique. Ça existe depuis 1872. Et il y a des gens dans le mouvement qui avaient lancé cette idée-là. Puis c'est tout à fait en concordance avec ce qu'on veut faire. On veut un espace démocratique. Et puis... Du Speaker's Corner? Oui, exactement, ouais, le Speaker's Corner. Parce que ça, ils en parlent même dans les guides de voyage. Ils disent, allez là, vous allez voir des gens. C'est un endroit où n'importe qui peut venir prendre la parole à cet endroit-là. Puis il y a des gens qui viennent l'écouter. Oui. Bon. Ben, c'est ça, on voulait présenter une pétition. Je me souviens plus exactement combien il y avait de signatures, mais il y avait un bon 5-6 pages de signatures. Puis le maire, tout de suite, il a dit, ben oui, OK. Ça, c'est pour qu'il y ait un endroit comme ça permanent dans la ville de Québec? Oui, permanent. Permanent, en tout temps, où n'importe qui, n'importe quel citoyen peut venir s'adresser. Tu peux aller écouter là. C'est vraiment un lieu d'échange qui est très intéressant. Dans le fond, c'est un peu ce qu'on fait aussi au mouvement d'occupation. Donc, tout le monde, comme je disais, tout le monde est bienvenu. Tout le monde peut prendre la parole. Même nos détracteurs, qui sont les bienvenus, qui ne viennent pas, mais L'invitation est néanmoins lancée. Il est mieux rester dans leur studio. Ben oui, c'est... Donc, très bien, pour la suite, oui, dans leur studio, effectivement. Donc, le maire lui-même a refusé de se prendre, il n'a jamais mis le pied, je pense, sur la cité. Jamais. Aucun élu municipal n'est venu. D'ailleurs, selon mes informations jusqu'à maintenant. OK. Ah, donc, ce qui se passe également, ce qui était particulier, mesdames et messieurs, prenez-en bonne note, tous les grands décrieurs de ce mouvement-là n'y ont jamais mis les pieds. Mm-hmm. C'est la même chose pour Éric Duhaime. D'ailleurs, je vous invite, je ne sais pas si tu le veux, Alexandre, ça circule sur Facebook présentement et sur le web. C'est la confrontation entre l'écrivain Jean Barbe qui s'est montré ouvert au mouvement et en appui au mouvement face à Éric Duhaime. C'est Richard Martineau qui a donné un 10 minutes de débat et c'est fascinant de voir comment Éric Duhaime, mais... C'est sur les ondes de LCN? Sur de LCN. Éric Duhaime... Il ne s'est pas argumenté, il argumente sur des faussetés. Fait que quand il parle à quelqu'un qui dit des vraies choses, il ne peut pas rester debout. Là. Et devant le calme, le gros bon sens et surtout la conviction de M. Barbe, Éric Duhaime ne fait que s'effoirer, c'est le mot. Et c'est de toute beauté, les gens qui sont contre ce mouvement-là, qui pensent comme Éric Duhaime, visionner cette vidéo-là, vous allez être convaincus. Ce ne sont pas des gens de la même envergure, disons ça comme ça. Les détracteurs, qu'est-ce qu'ils font? Il lance des insultes, il discute pas, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange d'idées, il propose rien. Ils ne font que dénigrer. C'est leur droit. Je suis prêt à me battre pour qu'ils aient le droit de le faire, mais c'est pas très constructif. Très bien. Alexandre, un grand merci de ta présence. Donc, la pétition est toujours disponible au parc à la place de l'Université du Québec. Est-ce absolument, que la pétition est présente? Oui, la pétition est disponible. Mais là, il a accepté. Donc, c'est ça. Donc, elle perd un peu de sa pertinence, mais bon. Puis ça va être tout ce Speaker's Corner-là, version Ville de Québec? Ça reste ouvert. Moi, personnellement, je suggérerais au Carré du Ville. Je trouve que c'est un bel endroit. Il y a les salles de spectacle autour. Je trouve que c'est assez pertinent, c'est assez passant. Oh, en plein cœur du futur quartier des spectacles que caresse le maire Van Baume maintenant, c'est un nouveau projet qui est tombé sur sa table à dessin. Oui, on en a discuté d'ailleurs. Ils en ont discuté lundi. Et voilà. Alors donc, mesdames et messieurs, c'est encore une fois une émission très chargée au niveau de la fausse patte. On remercie Alexandre d'être venu nous voir, de nous donner de rafraîchir nos informations sur ce qui se passe à la place de l'Université du Québec en ce qui concerne le mouvement Occupons Québec. Alors voilà, félicitations pour avoir pris la parole à l'Assemblée citoyenne du Conseil de Québec. Bravo. Merci beaucoup, ça a fait plaisir d'être ici. Donc, on a parlé aussi d'Option nationale. Jean-Martin Hossin qui a lancé sa plateforme et son parti officiellement hier à Montréal. La plateforme est disponible sur le web, d'ailleurs, pour ceux qui sont curieux. Oui, et sur le web, on est toujours disponible, la fausse patte, sur Facebook, le groupe ou la page. Vous faites une demande d'adhésion à notre groupe de discussion ou vous aimez notre page et vous allez avoir accès à plein d'informations. Catherine? Et on a aussi parlé à Hugo Latulippe, qui nous a expliqué avec beaucoup de cœur pourquoi il a fait ça. Fait ce film-là, fait que je vous invite encore à aller au Cinéma Quartier, 19h, tous les soirs jusqu'au 17 novembre. Je compte bien. Oui, ça vaut la peine. Puis parlez-en pour que, enfin, les mauvaises langues arrêtent de dire qu'à Québec, on n'est pas intéressé par rien, puis qu'il y a juste les radios poubelles qui mènent le monde. Et on a eu un spécialiste de l'écologie du Grand Nord québécois, des études arctiques, des perturbations, qui est venu encore une fois nous confirmer que le réchauffement climatique est bel et bien réel. Il l'a constaté de lui-même par ses travaux et c'est un récipiendaire des prix du Québec, voilà, qui a été remis hier à l'Assemblée nationale. C'est tout pour nous. On va laisser l'antenne à pas tellement longtemps à Tania Beaumont en direct du Sacrilège. Pour l'instant, petit retour d'une tradition qu'on a oubliée depuis quelques semaines à la fausse patte, c'est la chanson joyeuse et c'est Joe Dassin qui nous envoie La vie se chante, la vie se pleure. À la semaine prochaine sur la fausse patte 89.1, 15h30, mercredi prochain. La vie se pleure.